DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Putain, j'ai mal au crâne! Y'a pas quelqu'un qui a un médoc là, s'il vous plaît? Non, moi j'ai de la crème anti-herpès, des bonbons pour la gorge, tu veux? Ah bah non, ça sert à rien. Bah moi j'ai un crayon pour les boutons sur la tronche si tu veux. Moi j'ai de l'imodium contre la chiasse. Ah mais non, putain, j'ai mal à la tête! Ah, voilà! Moi j'ai des pilules contraceptives et sinon de l'aphrodisiaque. Bon, donnez-moi tout, je vais faire un mélange, je vais appeler ça le pot belge et puis voilà. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout, sans vous prendre la tête, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout. Uniquement sur Énergie. Mickaël. 21h minuit. Exact, on est là comme tous les soirs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, bien reposé après le week-end. Vous avez fait quoi d'ailleurs ce week-end? Rugby au Stade de France et télé. Ah, télé d'accord. Pour moi. Pareil, ouais, télé. Ouais, moi j'ai déglingué une dizaine de... Ça y est, c'est bon, doucement. Bon, tout le monde devant la télé quoi, super le week-end hein. Bon, t'as regardé quoi, Ro? Hier soir, sur M6, enquête exclusive avec un dossier hallucinant. Ah oui, c'est le truc dont tu me parlais dans le bureau avec les keufs là. Ouais, c'est les gendarmes à la campagne, c'est des barres de rire. Ah bon, on vous diffusera des sons tout à l'heure là de gendarmes à la campagne. Alors, ils ont leur propre méthode hein, pour combattre le crime, c'est assez intéressant. Hein, À un moment, t'as un flic qui dialogue comme ça. Bah tu vois, tiens, au GIGN, le groupe d'intervention du grand nettoyage. En fait, les deux flics, ils étaient en train de balayer des navets qui étaient tombés sur la route. Et en parlant de navets, sans droit à regarder Miss France samedi soir. Ouais, et je pensais que j'allais encore passer une soirée de déprime en voyant 37 bombes en maillot de bain, et en fait non, tu vois. Quoi, elles étaient pas terribles? Bah c'est pas ça, mais je préfère avoir à assumer ma tête en fait, et mon corps, hein, que elles, leur corps et leur tronche surtout. Ah bah dans la gueule, hein, très bien. Bon bah on en parlera de Miss France là tout à l'heure. D'ailleurs, beaucoup de gens qui pensent qu'elle ressemble à Paris Hilton, mais en brune. Ouais, Malika Ménard. Exactement. Ouh, ouais. Bravo, c'est bien la première fois que Toff se souvient de prénom de meuf. Ouais, c'est parce que je l'ai pas encore baisé, c'est pour c'est ça. Ça, oh. Et bah, ça n'arrivera pas. Hein. Bon, ce soir, on parlera aussi de Peter Doherty, qui a vécu de nouvelles aventures en Allemagne après avoir chanté le début de l'hymne à connotation nazie. Et puis, bah là, on va faire un petit tour du côté du répondeur, là, avec les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400 tout ce week-end. Le gagnant repart, comme d'habitude, avec un cadeau. Pour écouter vos message, pressez le 1. Vous avez dit que vous allez mettre le jingle quand on est con. On est con. Vous l'avez même pas perdu. On l'a perdu. Triste. Fin du message. Message suivant. Alors ça, c'est le nouveau modèle. Il est une touche et champ passage. Ton patron reste bon, tout bang. Voilà, c'est du portugais. Fin du message. Message suivant. Que veux-tu pour Noël? Une Sandro. La Sandro livrée dans le carton qui fait 240 kilos. Petite casse livrée avec. Si tu veux la chercher, appelle Misha, elle patientera 2 heures au standard. Si tu veux la faire jouir, appelle Dove, il sera très content. Poupée Sandro, livrée avec Vibro. Pour une Sandro achetée, le balai de Jack offert. Fin du message. Message suivant. Ouais bah c'était pour passer un coup de gueule. Hein. Même s'il m'entend pas, couille, sérieux. Faut que t'achètes à bouffer à l'émission. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec Sandro qui elle use toute sa thune dans l'équipe 4 et le roux et Toff qui teste les nouveaux burgers de McDo tous les jours. Faut franchement qu'il le fasse. Je serais vraiment content. Bon allez, bye. Allez, nouveau message. Non, c'est vrai, j'avoue qu'il y a un moment, il va falloir payer un Koé. Hein. Tu nous l'as dit quand t'es venu, là, que t'allais nous payer à bouffer. Là, plus de nouvelles depuis. Commence à bien faire, quoi. Moi, je dis que ça commence à bien faire. Et en parlant de Sandro, qui effectivement achète des colis, qu'est-ce que t'achètes? C'est sur Rally d'avoir autant de colis qui arrivent. Ah, bah, il y a Noël qui arrive, donc je fais mes commandes. Ah, c'est la mère Noël. Non, mais c'est des commandes pour ton Noël ou c'est pour tout le monde? Oh, il y a beaucoup pour mon Noël. Hein. Mon propre Noël. Ouais. Je vais m'offrir mes cadeaux. Oui, je commande pas mal de choses en ce moment. D'accord, ok. Bah, des corsets, des bustiers. Ah, très bien. En fait, c'est chose sexy, quoi. C'est pour faire un défilé le 24. Bah, oui, bien sûr, je viendrai chez toi. C'est pour le Noël de Polo en fait, les bustiers. Enfin, les corsets. Ah non, ça. Pas du tout, non. Ah bon, parce c'est que pour lui, tout le monde, c'est pour le mien, Polo. Elle vient de te le dire. Ah, parce qu'il prend ça comme cadeau pour lui hein, quand tu mets un corset. Oui. Ah bon, d'accord, ok. Non, j'ai eu une semaine qui me le met dans la tronche, donc oui, je commence à le savoir. Ah, qu'il aime mon bustier. Ah, j'ai eu lui dire qu'effectivement il kiffait. Hein. Ah oui, ça l'a beaucoup excité. Ah oui, ça c'est. Mais pas que lui, toute la radio en fait, on a parlé. Pour le défilé, moi je suis parti. Si, je te jure, je le remettrai plus jamais. Bon, c'est dommage. Elle en parle. Plus jamais. J'ai voulu faire un truc, tu vois, un peu original et tout. Et je me suis dit. Bah, ça a marché. Au moins, quand je mets mes jogging, tu vois, personne me casse les couilles. Bah, alors, vous savez ce qu'il reste à faire. Lui casser les couilles quand t'es là à jogging. J'enverrai Polo exprès pour lui dire tu sais que tu m'excites, j'ai envie de te défoncer derrière depuis que tu as mis à jogging. Comme ça, on n'en mettra plus. On sera débarrassé une bonne fois pour toutes. C'est un bon plan, effectivement. Bah, mais ça, c'est le truc que t'expliquais. Hein. Les femmes, faut toujours faire le contraire. Toujours, ouais. Toujours. Bah, ça, il l'a bien compris, toi. Ah, ouais, ça, c'est sûr, effectivement, ouais. Bon, et puis, pas mal de cadeaux à gagner encore ce soir avec DJ Hero. C'est la semaine spéciale avec une console qu'on vous file avec le jeu DJ Hero. Vous allez pouvoir jouer tout à l'heure. On jouera comme la fois passée à Band Heroes. Si vous voulez vous inscrire, 612, débutez par énergie. Puis vous mettez Hero avec votre numéro de téléphone. On a également des DVD et des de Blu-ray de Ice Age 3, l'âge de glace 3, donc le temps des dinosaures. Pareil pour Heroes saison 3. On a également les nouveaux albums de Miley Cyrus à gagner, The Time of Our Lives. Il y aura aussi des disques durs multimédia, des radios wifi, des compiles d'énergie Hit 2010. Tout ça à gagner dans le Chéri, je l'ai fait cocu. Le GAV, le jeu des amis ou encore le question pour une réponse. Voilà, tout simplement. Et puis, on parlera aussi d'écologie ce soir. Hein, vous le savez tous, c'est le sommet de Copenhague qui ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre Non, c'est l'écologie. On s'en branle pas, pauvre con. Quoi, si, crever d'un cancer. Enfin, tu me diras, tu crèveras la cancer. Mais tu crois qu'on va attendre l'écologie pour ça? On s'en fout. Tu crois surtout que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer. Ils ont surtout des cocktails là-bas tous les soirs. Ouais. Bon, en gros, tous les grands chefs des plus grands États se réunissent pour savoir quelles mesures ils vont prendre. La gueule. Quelles mesures ils vont prendre pour réduire la pollution de leur pays. Et les plus avisés, et ceux qui vont participer cette fois-ci, hein, parce que la dernière fois, les États-Unis d'Amérique. Oui, ils participent à Copenhague. Obama, il arrive le dernier jour, le jour de clôture. Obama, mais il y a des représentants qui sont là avant. Les plus pollueurs, en même temps c'est un grand pays, mais bon. Non mais même ils polluent. Ils font vraiment attention à rien. Non, pour l'instant, mais ça va mieux, hein, ils commencent un petit peu, mais bon, ça va mieux, ils sont encore loin du. Mais ils commencent, on en parlera tout à l'heure. Bon, du coup, le pays du cinéma et de la télévision réfléchit à comment réduire sa pollution. Alors le problème c'est que si tu enlèves la pollution des émissions de télé américaines, ça peut vite donner. Surtout les émissions françaises. Ouais, pas loin, écoute. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Faites entrer l'écolo. Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour, Christophe Audelat. C'est en ce moment qu'a lieu le sommet de Copenhague. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'y suis monté, ce sommet. Tout en haut. Et bon, il n'y avait pas grand-chose à boire. À voir? Non, à boire. Bon, allez, on va pas aller plus loin, hein. Faites entrer l'écolo. Oui, faites-moi rentrer. Ouais, enfin là, faites sortir l'alcoolo. Voilà. Donc, il sera, Borloo ? Ah bah, ça dépend. Sûrement, comme Sandro vient de l'écologie. Non mais comme Sandro vient de dire qu'il va cuver, à mon avis, il passera voir. Hein. Ouais, non mais il va picoler forcément. Oui, bah il passera voir, il passera boire, hein, effectivement. Bon, et les petits jeux habituels, hein, comme on le fait de temps en temps, là, à votre avis, qui est-ce qui chante cette belle musique? Hop. Oula, ouais. Non, bah, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ça va, oh là là. Mais un peu plus. Ça, je dirais Kylie Minogue, mais. Ah. Ah mais arrêtez, on n'entend rien. Oh t'es relou, depuis qu'elle a une veste serrée maintenant. Elle est pas serrée. Attention, ce n'est pas une chanson des années 80. Mais ça a l'air sympa. Oh bonjour les gars, tu sors rien, j'ai. Il est 21h09. Ah ouais, d'accord. Pourquoi sur les bonnes instrus ils mettent des mecs qui chantent comme des merdes? Écoute, ça après c'est un problème, hein. C'est encore pas contre lui que je dis ça, mais faut que t'écoutes le refrain. Et taisez-vous. Et enfin, ça va, je fais ce que je veux quand même. On n'entend rien. Ah, c'est mieux, hein. Une sex-victime. Mais bon, voilà. Putain, bon, voilà, si non, vous avez une idée de qui dur. Chante ce drame, hein, encore une fois, 612 débuté par Énergie. Mickaël, le podcast. Bonne nouvelle, j'ai regardé un petit peu là. Et effectivement, les États-Unis s'engagent contre. Enfin, dans la guerre, plutôt contre les gaz à effet de serre. Ah, t'es qu'il y a une guerre à faire. Ouais, bah c'est ça. donc voilà, ils ont décidé effectivement de faire de faire une première étape et donc de mettre des lois aux États-Unis pour limiter les gaz à effet de serre, ce qui n'était jamais arrivé, donc c'est pas mal. Hein. Ouais. Mais a priori, ils sont déjà en embrouille avec avec tous les gros constructeurs américains, genre Apple, Dell, tout cela, parce qu'en fait, eux, ils voulaient aller plus loin et les ministres ou les parlementaires, en fait, ils veulent pas. Ils disent ah non. Plus loin non. Dans quoi? Ben plus loin dans la réglementation, quoi. Dans l'écologie. Apple, ils font déjà des PC biodégradables, c'est ça? Recyclables. Ils font pas des PC, arrête de dire ça. Ils veulent pas à cause du budget, c'est ça? Non, parce qu'en fait, la plupart des mecs, c'est des vieux, ils ont tous des intérêts dans les vieilles entreprises qui polluent super fort, donc ouais. Du coup, ça les fait chier de... Voilà. Mais enfin, c'est déjà pas mal qu'il y ait un premier pas, hein. C'est toujours ça de prix. Oui, enfin, apparemment, ils sont revenus à un ancien décret, c'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à baisser là, c'est ce qu'ils auraient dû faire il y a déjà 20 ans. Ouais. Et qui n'ont pas fait. Ouais, exactement. Ouais. On va pas les brosser. Quoi. Kyoto, ils étaient pas là. Hein. Ils ont non, ouais, et ça se trouve, en plus, ils font quelque chose à cause de leur image qui. Parce que dans tous les pays d'Europe, ils se font défoncer. Ouais, tout le monde commence Europe, hein. À balancer que c'est eux qui polluent le plus et tout, donc ils doivent être dégoûtés pour leur image, quoi. Et c'est même pas que dans l'Europe, hein. C'est-à-dire oui, que dans entière, le monde entier. Mais c'est pas grave, Obama va sauver le monde. Ouais. Et oui, mais alors qu'il le fait. Alors que Bush, il avait dit, on s'en branle de Kyoto, démerdez-vous. Ouais, non, mais quel con celui-là. Bah, il était moins faux cul qu'Obama aussi, ouais, peut-être. Ça. Faut voir, ça se trouve, Obama veut vraiment le faire, mais tu sais, oui, dans un pays comme ça, tu peux pas non plus prendre une décision, c'est pas, tu tournes pas comme avec une petite voiture, quoi, tu sais, c'est un truc super. Sur Rallye, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que pour le sommet de Copenhague. Copenhague. Ah ouais, Copenhague. ils vont dépenser l'équivalent, je crois que c'est plus des centaines et des centaines de tonnes ouais. De CO2. Oui, bah c'est oui, puisque faire arriver tout le monde là-bas. Ah oui, arriver tout le monde là-bas en avion. Mais c'est ça le problème, c'est que ouais. Déjà, les mecs, ils ont un truc un sommet important à faire. Ils viennent en avion, ils viennent en avion privé, etc. Ils sont tous en voiture avec chauffeur. C'est que des vendus, ouais. En fait. Ouais, et par contre, Air France sera présent au sommet de Copenhague. Ah, bah tant mieux. Oui, mais ils ont, attends, sur toute leur flotte, ils ont, bon, pour l'instant, un A380 qui est donc l'avion gros porteur qui pollue le moins. Ah oui. Pollue le moins. Ouais, ouais. 20% moins qu'un 747, par exemple. Oui, mais par rapport à l'équivalence de taille. Non, en fait, il compare de pollution par passager. Voilà. Donc au final, ouais. Ils sont plus pollueurs que le 747. Mais non, parce qu'un dans un A380, tu mets 600 personnes. Je dis un exemple. Dans un 747, tu mets 400 personnes pour polluer l'appareil. Bah, ça fait 20% de moins. Tu transportes plus de monde. Pollution égale, tu transportes plus de monde. Voilà, d'accord, pour polluer okay, moins, okay. Tu transportes plus de monde. Bon, c'est ça. Bon, il y a Samia qui est là maintenant, 28 ans de Cannes. Oui, salut Samia, ouais, c'est ça. Ouais. Salut Samia, comment ça va? Salut. Bon, bienvenue à toi. Tu voulais parler de la pollution, toi? Comment ça se passe? Bah, oui, moi je m'en branle. Moi j'ai un gros semi-remorque et je fais démarrer le moteur juste pour polluer. Ah, c'est surtout que je fais pas le tri. J'ai une Twingo, mais je suis un peu pas anti-écolo, mais. Je suis pas trop partisane pour ce. Pourquoi tu préfères? Ce phénomène. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je vis avec. Non, oui, ben oui. Parce que je me lève le matin, l'air que je respire, que je recrache, c'est du CO2. Non, l'air que tu respires et que tu recraches n'est pas non, du CO2. Non, c'est du CO2. Hein. Enfin, t'as surtout pas envie de changer tes habitudes, c'est plus ça, non? Bah ouais, en fait, j'estime que. Je vais pas me prendre la tête pour trois cartons qui se courent après. Ouais. Alors que, comme il disait, je sais plus qui, il disait que ça fait 30 ans qu'ils auraient dû changer les choses. Michel. C'est roux. C'est roux, ouais. Donc je suis verte, quoi. Non, ah, c'est le cas de le dire. Hein. Tu peux pas être verte. Non, mais attends, le truc juste que tu dis qui tient pas la route, c'est tu vas pas te battre pour trois cartons. Mais si tout le monde se bat pour trois cartons, mais tout le monde se bat pas puisque les dirigeants qui demandent de le faire, ils si le font la moitié pas. Des gens, si même une personne sur 10 le fait, ben ça fait beaucoup déjà. Rien c'est juste oui, mais le problème, et je veux ça en revenir. J'ai envie de te donner des claques quand mais tu mais prends le métro, toi, de venir en je voiture. Pas le rapport. Bah si. Bah si, c'est mais pareil. Moi, je fais des efforts, peut-être pas tu sur la voiture. Des et tu encore, ma voiture pollue moins que beaucoup d'autres. Oui, c'est un effort. De quoi? C'est un effort. J'ai une Twingo, elle est verte. ton téléphone. J'entends rien, parle dans ton téléphone. C'est la pollution visuelle et ça se fait pas non plus. Donc elle fait des efforts parce que sa Twingo, elle est verte. Et d'ailleurs, la Twingo, elle est vieille. Il y a la prime bonus, prime à la casse, là, qui va bientôt se terminer. C'est pour ça aussi. Voilà, c'est ça. Pour en venir au tri des déchets, à chaque fois qu'on en parle, j'en parle parce que les prix ne baissent pas. On nous demande de faire le tri, mais il y a des gens qui vivent dans des petites baraques, dans des studios, machin. Ils peuvent pas mettre deux poubelles chez eux. Ils ont trois. Donc ils commencent par baisser le prix des poubelles tri sélectives parce qu'ils en font des poubelles, c'est une divisée en trois. Ça vaut 200 euros. Ça vaut 200 euros. Non mais après tout le monde peut pas se payer une poubelle comme ça quoi. Mais je dis pas que tout est parfait etc. Mais quand on a la possibilité, comme j'ai vu le roux qui jetait un truc par terre, ça m'a choqué. Quand ça faisait tellement longtemps que j'ai plus vu ça. Ça c'est choquant, ça c'est vrai. Bah sur moi, j'ai par terre moi. Ouais, sur les Champs-Élysées. OK, l'avenue d'une poubelle. Ouais. Donc un truc plus ou un truc de moins. C'est du bois. C'est biodégradable. Ouais, mais t'étais prêt à acheter un morceau de papier plastique. Je l'ai pas fait. Bah heureusement, tu disais quoi Samia? Parce qu'il y a des tortues qui passent et qui peuvent les avaler. Sur les champs. C'est pas du genre à jeter quelque chose sur la voie publique. Mais je suis pas du genre à me prendre la tête avec mes poubelles à dire oula, le verre, le carton, où je mets ça. Bah oui, mais tu sais où tu le mets, au bout d'un moment, faut arrêter d'être plus teubé qu'est-ce que tu mets aussi, quoi. Non, mais c'est vrai, tu sais où tu dois acheter les trucs. Non, je te jure. Moi, j'ai mis du temps à capter, hein. Arrêtez, je prends toujours ça. Non, c'est pas ça, c'est que quand, par exemple, quand je vais faire mes courses, bah, je prends mon sac avec moi. C'est bien. Mon sac, voilà, ça, je le prends. C'est bien. Voilà, mais voilà, donc déjà, ça. 10 centimes, 3 centimes, à chaque fois on achète un sac, finalement... Oui, mais voilà, il a fallu passer par l'argent pour que les gens s'y fassent. Mais non, mais ça c'est clair, de toute façon, dès que tu touches au portefeuille, les mecs réfléchissent. Ouais, ça marche, c'est comme ça chez tout le monde. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est tous les emballages en carton, tous les emballages que tu reçois quand t'achètes ne fût-ce qu'un pot de yaourt, c'est pourquoi est-ce qu'ils font pas ça déjà en truc biodégradable? Ça, je suis d'accord. Ça va sûrement coûter de l'argent. Non, ça c'est vrai, je suis d'accord pour aller à Casino ou dans un shopping, d'aller dans le rayon frais et de manger un yaourt sur place. Normalement, moi aussi. Hein. Oui, en plus t'as le droit, mais enfin bon. Mais tu sais, c'est comme ce qui me choque aussi aux États-Unis, par exemple. Enfin, je sais que ça se fait là, ça doit se faire ailleurs aussi. C'est que t'achètes, j'en sais rien moi, une petite bouteille d'eau, quoi, tout simplement. Et ils te le mettent dans un sac plastique, bien plastique. Hein, et puis après, ils t'en mettent un deuxième, des fois que ça craque. Oui. Mais tu vois tous ces plastiques qui s'enchaînent, c'est ouf. Je sais pas, franchement, je trouve que c'est un coup dans l'eau. C'est pas toi qui va changer le monde, c'est les grosses entreprises directement qui. Oui, mais ça commence, tout le monde doit y mettre. Et bah, quand eux, ils me donneront l'exemple, qu'eux, ils feront le plus gros du boulot, et bah là, je me dirais, ok, je vais faire attention. S'ils se disparaissent, on va pas avancer. Moi, je vais revenir à l'étymologie du mot environnement. Le mot environnement, il est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens différents. Il a le sens, je suis sur Wikipédia là. Ça veut rien dire, hein, mais bon, vas-y quand même. C'est plutôt le mot écologique qu'il faudrait. Et en fait, il peut prendre. Mais ça joue. Il peut prendre le sens de cadre de vie, de voisinage, d'ambiance ou encore de contexte. Donc, si toi, aujourd'hui, tu dis, je suis la seule personne à faire ça aujourd'hui qui va changer les choses chez moi, si ton voisin il le fait, c'est une échelle universelle, tout le monde le fait. C'est vrai que ça peut changer les choses. Mais bien sûr. Et comme ils disaient, en avion, ils arrivent avec des chauffeurs, des trucs, et la société de consommation, et ci, et ça, et j'achète ci. On perd les pédales. Des sanctions. C'est-à-dire, fais une amende au mec qui pollue. Voilà, en gros, c'est ça. Mais alors, techniquement, en fait, l'exemple que tu as donné, et qui est vrai, puisqu'on en a parlé, le fait que les mecs, pour parler de l'écologie, viennent en avion avec des trucs qui surpolluent, c'est la même chose qu'un flic qui va dire, il faut pas passer le feu rouge, mais lui, s'en branle, il passe. Ouais, voilà. C'est la même chose, c'est exactement pareil. C'est pollue pas, mais moi j'arrive en polluant. Alors que le mec pourra arriver dans. Tu sais, il pourra mettre. Bon, après, je sais qu'ils peuvent pas le faire pour des raisons terroristes, mais il pourra mettre, par exemple, tous les ministres dans le même avion. Mais bon, c'est pas possible. Oui, mais ils avaient fait, je sais plus, à un sommet, ils étaient tous arrivés en vélo. Mais ouais. En plein milieu de l'été, tu vois, les mecs font pas ça en hiver. Hein. Non, mais surtout qu'à mon avis, la voiture, elle était à 100 mètres. Ouais. Ça, je sais pas. La voiture derrière, au cas où. Ils étaient en tournage ce jour-là, c'est tout. Ils ont fait un tournage. Hein. Ouais, non, c'est ce qu'on appelle une scène. C'est ce qu'on appelle en représentation. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, mais en gros, c'est ça. En fait, ils avaient loué je sais pas combien de vélos. Et donc, en fait, les ministres avaient pris le vélo de l'hôtel jusqu'à l'endroit où il y avait le sommet. Parce qu'ils ont reçu un fil conducteur par boîte mail qui leur a dit tel jour on fera ça fait bien. Ouais, c'était pour ça. Mais faites comme moi. Moi, quand je vais aux toilettes, je me lave pas les mains. C'est évident. Ils se lavent pas non plus. Bref, on en parle encore dans quelques instants. Si jamais vous avez votre avis à donner par rapport, tout simplement par rapport à l'écologie. Hein, donc 6-11-12, débutez votre message par énergie, puis vous mettez votre numéro de téléphone. Et puis sinon, ça y est. Hein. Miss Normandie, Malika Ménard, 22 Miss ans, Moche, ouais. A été élue samedi soir à Nice. Non, ça va. Hein. Miss France 2010, donc Malika qui vit à Caen où elle fait des études de droit et rêve de devenir journaliste. 1m76, des yeux azur, une tête bien faite. Mais dites pas qu'elle est belle. Elle a... bon, sûr, elle va. Mignon, et, par rapport aux autres, elle est pas mal. Non, non. Franchement, la cinquième, c'était la plus jolie. Hein. Ouais, Attendez, celle qui est arrivée cinquième. Et les gars, on a eu Chloé Morteau l'année dernière. Ouais. Mais elle est super belle, hein, Chloé. Allons, allons. Tu l'as pas vue hier? Quoi, tu l'as vu récemment hier, tu l'as vu? Non, Miss hier, à la télé. Ouais, moi j'ai vu Miss France. Enfin, sur les photos que j'ai vues, moi j'ai pas regardé à la télé. Non, mais Chloé Morteau, est-ce que tu l'as vu hier? Have you seen on the TV? No, I didn't see on the TV. Voilà. Ok, bon, so voilà. Shut up. Ah, je sais pas, mais entre photos d'elle. Non, mais en fait, sûrement, c'est ce que je me disais hier, c'est que toutes les Miss, quand tu les vois comme ça couronnées, elles sont moches. Et après, quand tu les vois un an après, bon, elles ont pris, tu vois, du charisme un peu, je pense. Elles sont super belles. Et Chloé Morteau, hier, elle était magnifique. Ça, elle avait une robe, on aurait dit. Même elle avait une super belle. Une belle bouille, quoi. Une belle bouille, mais. C'est celle. Je m'en remets plus. Qui a fait scandale. Non, mais celle qui était habillée en noir, là, avec une jupe noire. Avec, t'as l'impression qu'elle avait. Non, ça, c'est l'autre, alors. Ça, c'est Valérie Beigle. Oui. Non, encore une autre. C'est Sophie Tellier. Sophie Tellier. Elle ressemblait à une cruche. Non seulement ressemblait à une autre. Sa robe, elle était horrible. Non, mais cette paire de seins avec cette robe, ses bouches, t'as l'impression que tout est refait sur sa tronche. En fait, pour ceux qui l'ont pas vu, elle avait donc une robe de soirée et avec des froufrous. Les filles, on aime bien avoir des froufrous, sauf que les froufrous, faut que ça parte du bassin. Elle, on dirait que les froufrous, ils partaient des seins. c'était ignoble, sa robe. En tout cas, ça m'a fait rire quand j'ai regardé la fin de la cérémonie, là, au moment où ils sont censés dévoiler la gagnante. Donc Jean-Pierre Foucault annonce la Miss France 2010 est, et là, t'as Ariane Dombal qui raconte sa life, hein, alors que tout le monde attend la réponse. Attention. Miss France et Miss. Nous aurions beaucoup d'ex-écho parce qu'elles étaient belles, c'était difficile. Mais la Miss France 2010 est Miss Normandie. Alors, ce qui est marrant, c'est que si t'écoutes bien, tu tends l'oreille, t'entends Foucault derrière pendant qu'elle parle, qu'il fait Miss, c'est genre, vas-y, balance. Le plus dur, c'est quand même la voix d'arrière. Donc. Et juste après, pour le coup, elle a une voix de cruche. Hein. Expliquez-moi un truc. Ouais. À quoi sert le jury? Alors, mais si, parce qu'en fait, cette année, parce que j'ai pas regardé, mais j'ai lu ça sur Internet. En fait, le jury, donc au début, c'était un jury de professionnels qui éliminait les 12 premiers. Ensuite, t'avais le jury qui était sur le plateau qui éliminait les 12 suivantes, un truc comme ça. Et ensuite, il en restait 5. Ah, donc sur les 5, c'était le vote du public. C'est ça. On t'a fait croire que c'était le vote du public. Voilà. C'est-à-dire que ils disent oui, c'est la première année où la Miss est élue par le public. Non, ils avaient le choix entre 5. Ouais, bah oui, non, et encore, je suis sûr que même au final, ils ont encore fait des magouilles comme ils font tout le temps. Les magouilles et compagnie. Et juste après, donc, il va interviewer donc Ariel Dombal. Enfin, l'interviewer, c'est un bien gros mot puisqu'elle dit deux mots et on comprend rien. Bah, elle est pas mise pour rien. Et donc là, il fait le lien direct avec le téléthon. Bravo Jean-Pierre. Miss Normandie. Bravo Miss France. Vous êtes heureuse? Oui, extrêmement. J'ai du mal à réaliser. Écoutez, félicitations de la part de celles et ceux qui regardent TF1 et du jury qui vous ont choisi. 36-37 le Téléthon. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous. Au revoir. Avec c'est bon. Avec le Téléthon, il y a un autre moment où il a mis un gros tir. T'as Jean-Luc Reichmann qui lui fait on rappelle qu'il y a le Téléthon. Oui. Et lui fait oui, alors voilà, on le rappelle bien évidemment. Et on précise que c'est lorsque nous faisons l'annonce sur TF1 qu'il y a un pic de dons. Ouais, bah là il n'y a pas eu un pic. Hein, non mais sérieux, ils se sont super mal comportés avec ça. Heureusement, j'ai pas regardé toute la cérémonie parce que, bon, honnêtement, j'en avais rien à branler. Mais. J'ai vu le truc dont parlait Jack. Donc Reichmann, il dit, ça me choque un peu, vous en avez pas parlé. Il dit, ouais, si, on va en parler, ouais, 36-37. Et là, t'as vu comment il le place? Mais genre, il l'a pas dit l'émission. Moi, je suis persuadé que c'est un mec qui lui rappelle dans l'oreillette. Et donc, du coup, il le lâche, quoi, comme ça, mais tel que ça vient. Michael, le podcast. Geneviève de Fontenay qui n'a pas encore fait de scandale. Ça fait pourtant 2 jours que Malika a été élue. Hein. Ouais, quand même. Ah ouais, attention, quand même. Va être temps qu'elle rentre. Est-ce qu'on tient des paris? Ah, moi je veux bien, moi je te parie qu'avant la fin elle fait un scandale. Non, elle va rester à carreau. En tout cas, s'il y a des photos osées qui sortent, donc elle sur la mise qui vient d'être élue, elle a dit qu'elle démissionnait. Donc si vous avez Photoshop à la maison. Ouais, franchement, payez-la. Pas Photoshop, mais par contre, si vous trouvez des photos sur internet, ça vous peut valoir de l'argent. Mais je crois que c'est le petit journal qui ont promis une récompense à ceux qui arriveraient à leur fournir des photos. Bon, d'après vous, donc combien de temps entre le premier clash entre Malika et Geneviève? Bah on sait pas, mais enfin si vous avez une petite idée, si vous voulez faire des pronostics, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça peut arriver, hein, parce que je viens de voir en fait que comme Geneviève a la phobie des trains, tout ce qui est avion, etc., elle fait tous les voyages qu'elles font à travers toute la France en voiture. Elle fait en caisse. Tu m'étonnes qu'elle se crêpe le chignon à la fin, elle peut plus saquer quoi. Et en train, elle a peur aussi. Ouais. Donc non, puis je pense que c'est par souci d'économie aussi. Oui, c'est surtout ça. Du coup, elles font parce qu'elles arrêtent pas. Hein, elles vont dans les foires tous les jours. Elles sont invitées à une foire, donc elles passent leur vie sur la une route. Une foire. Ah, c'est ça. Oui, je sais, mais bon. T'imagines taper Geneviève en bagnole pendant toute une année, c'est chaud. Ouais. Mais c'est parce que sa voiture lui est prêtée par une marque. Je crois que c'est Peugeot qui lui prête la voiture. Donc du coup. Non, je crois que c'est Toyota cette année. Ah, c'est peut-être. Bah, enfin, peu importe. Ouais, enfin, ils l'ont gratos, quoi. Et donc, elle a la voiture gratos. Donc, pourquoi payer l'avion ou le train? Ouais. Bon, enfin, s'il a une Logan, à mon avis, il va changer d'avis. Hein. On peut lui souhaiter, en tout cas, bon courage pour cette nouvelle année. Bien sûr, oui, tout à fait. Cette longue année. Bon courage à Alika, surtout. Donc, voilà, parce que, évidemment, Geneviève nous avait quand même habitués aux coups de gueule hein, ces derniers temps. Alors, il n'y a aucune de ces miss qui s'en est tirée indemne, d'ailleurs. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, pour tous ceux qui ont manqué un épisode, voici le récap de la vie de Geneviève. Des feux de la haine. Si vous avez manqué l'épisode précédent des feux de la haine, tout a commencé il y a environ 65 millions d'années dans le Jura. Geneviève de Fontenay, alors première représentante de l'espèce humaine et unique prédatrice naturelle du terrible tyrannosaure Rex, décide de mettre en place une élection de Miss Diplodocus. Ce fut d'ailleurs la seule fois qu'une Miss ne déclarera pas vouloir la paix dans le monde, puisque la première déclaration de Miss Diplodocus fut... Malgré tout, comprenant la difficulté d'apprendre à ces mastodontes à marcher avec des talons, Geneviève entra dans une colère noire et décida d'en finir avec ces bêtes sauvages. Dès qu'il y a un os à ronger, comme on dit, il se récipite. Et son acharnement fut tel qu'il se solda par la disparition pure et simple des dinosaures. Ah, moi je comprends mieux maintenant. Mais Geneviève n'a pas dit son dernier mot. Elle recommence à parcourir le globe pour tenter d'imposer son élection. Et elle finira par atterrir à Versailles. Et voici que l'élection de Miss France 1789 est remportée par une certaine Marie-Antoinette. Mais Geneviève ne l'entend pas de cette oreille. Comment ? Mais Geneviève ne l'entend pas de cette oreille. Ah, d'accord ! Le règlement Miss France stipule qu'une Miss ne peut être mariée. Et celle-ci entretient, paraît-il, une relation avec un dénommé Louis, 16 de son nom de famille. C'est pas bien ça ! La haine de Geneviève envers sa Miss sera telle qu'elle finira par soulever les Français et fera décapiter sa Miss ainsi que son mari. Je les ai interpellés en public, ils en ont pris plein la tête. Hein. Mais le peuple se rend bien compte qu'il a fait une erreur et il décide de guillotiner Geneviève à son tour. Heureusement, la fourbe avait des jambes de gazelle et réussit à s'enfuir in extremis. Oh, bon, j'ai eu peur. Elle n'aura donc pas la tête coupée, mais s'en sortira avec un joli scalp qui aurait pu plaire sur un autre continent. Sans être vraiment jolie femme, bison futé vouloir niquer elle. Depuis ce jour, Geneviève ne sortira plus jamais sans chapeau. Nous voici maintenant en 2009. Lussauger, une ancienne Miss, porte plainte contre la désormais célèbre Dame au chapeau, parce qu'elle l'aurait traitée de salope. Oh ! Geneviève est condamnée, mais comme rien ne lui fait peur, elle réitère. C'est une salope. 500 euros. 500 euros, vous trouvez ça cher ? Bah non. Ce qui lui vaut une nouvelle convocation devant les tribunaux le 5 janvier 2010. C'en est trop pour Geneviève de Fontenay. Après 65 millions d'années de combats incessants, la vieille dame semble perdre la raison. Elle insulte tous ceux qui osent s'approcher d'elle. Même le chroniqueur Guy Carlier en fera les frais. Après une mauvaise blague sur la dame au chapeau, celle-ci répondra « Il devrait se regarder, lui à qui il faut deux chaises pour s'asseoir. » Oh, c'est pas bien. Franchement, il faudrait qu'elle pète un coup, ça la détendrait. D'ailleurs, les initiales de Geneviève de Fontenay ne sont-elles pas GDF, comme Gaz de France ? C'est drôle, ça ! Il y a quelques jours à peine, Geneviève était furieuse contre Frédéric Lopez parce qu'elle estimait que l'hôtel qu'il avait choisi pour ses invités était miteux et qu'ils avaient été livrés à eux-mêmes en plein Paris. Ce à quoi l'animateur de Panique dans l'oreillette aurait répliqué « Mais c'est une information à mettre au conditionnel. C'est sûr, ça devait être déstabilisant de se retrouver à Paris pour dormir dans un hôtel. La prochaine fois, je l'inviterai dans Rendez-vous en terre inconnue. » C'est un horrible personnage, celui-là, il a rien à dire. Samedi a eu lieu l'élection de Miss France 2010. C'est Miss Normandie, Malika Ménard, qui a été élue. Et vous verrez, dans le prochain épisode des Feux de la Haine, comment Geneviève de Fontenay entrera en guerre contre Malika, sous prétexte que ce n'est pas une vraie rebeu. Alors qu'après Valérie Beg, qui avait posé nue sur une croix, elle avait toujours rêvé d'une Miss France qui poserait nue sur une main de Fatma. Vous apprendrez aussi que si les lèvres de Geneviève sont toujours aussi rouges, c'est qu'elle est en réalité l'arrière-grand-mère de Robert Pattinson et qu'elle n'hésite pas à sucer tout ce qui s'approche trop près d'elle et de son chapeau. Tout ça, et bien plus encore, c'est dans l'épisode 321 bis de la saison 41 des Feux de la Haine. Alors une chose est sûre, il faut avoir de la patience, hein. Pour être avec Geneviève de Fontenay, c'est du courage, de la patience, enfin, c'était à mourir de rire hein. Pendant la cérémonie, c'est que tu voyais pas mal de fois à l'écran derrière dans le public Valérie Bey qui était là. Mais je sais pas si vous avez vu le reportage de 7 à 8 le lendemain. En fait, c'est Valérie Bey Valérie qui expliquait comme qu'en toi. Fait tout avait été prévu par la prod pour qu'ils se croisent pas en fait les deux. Ce qu'ils ont rien à foutre. Ah mais c'est elle, c'est une Ouais gamine, mais je sais, mais ils sont relous tous les deux de toute façon. Bon allez, on fait le jeu les amis maintenant avec Marion qui est là, 15 ans de Dunkerque. Salut Marie. Marion, pardon. Tous les jours, la vie. Salut. Ça va bien? Ça va. Bon dis donc t'as l'air, heureusement, hein, parce que faut pas demander quand ça va pas. Hein. Ah non, mais j'ai eu des problèmes tout à l'heure, mais c'est bon. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est nous notons cette considération. Exactement, je note. Qu'est-ce qui s'est passé? Je note. Curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, des problèmes avec les parents. Ah bon d'accord. Bon, t'es pas engueulé quoi, t'as pas fait tes devoirs et voilà. Non, je n'avais pas. Ah t'en bon avais pas. Ah c'est ça le problème. C'est ça le problème, très bien. Bon, ils sont derrière toi là ou pas? Non. Bon bah très bien, on va pouvoir jouer tranquille alors. Bon Marion, on va appeler une de tes copines. Oui mais est-ce qu'avant je peux te dire quelque chose? Ça dépend, c'est quoi? Ben en fait je voulais te remercier pour tes réponses à mes mails. Ah bah écoute, je t'en prie Marion, comme quoi je réponds. Fait. C'est vrai. Ah mais ça fait 5 mois que j'attends tes réponses et. Ah bon. Aïe, tu vas falloir balancer. Eh ben écoute. Eh ben écoute, Marion, attends, comment tu t'appelles? C'est quoi ton pseudo? Moi? Ouais. Mademoiselle Marion. Ah oui, bah c'est pour ça alors. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a de la réserve. Non, c'est pas ça, mais Marion, il y a un moment, je répondais au début. C'est juste qu'avec autant de mails par jour, il y a un moment, si tu veux, tu peux pas répondre. Tu peux plus répondre. Sais. Eh ouais Marion. Non mais tu vois, c'est comme si je t'envoyais. Bon après c'est pas pareil, mais quelqu'un qui t'envoie un mail, bah tu réponds, deuxième mail tu réponds, troisième mail tu réponds. Mais quand t'en as plein, et puis quand t'as. C'est pas gérable, c'est pas possible. Quand tu malencontreusement, tu sais, t'envoies un mail le vendredi, je le vois pas tout de suite, je le vois que le lundi. Entre temps, il y a 4 mails qui sont arrivés. Eh pourquoi tu réponds pas? Bon bah à un moment tu veux, tu te dis eh merde hein. Bon mais c'est pas très grave en même temps. Non, c'est vrai que c'est une précision à donner, personne n'est obligé de répondre aux mails. Et qui plus est? Qui plus est, c'est vrai. Parce que c'est vrai que des fois tu te fais engueuler parce que t'as pas répondu. Exactement. Et c'est mieux de répondre à personne, comme ça il n'y a pas de soucis. Exactement. Allez, Sandro a bien compris. Non, enfin si ça m'arrive hein, quand même de temps en temps, bon. Mais. Ça va alors. Bon Marion, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas répondu. Attends, j'ai encore un truc à dire. Marion, au plus tu traînes, au moins tu as le temps de jouer. Non mais attends. En fait, c'est pour le jeu, celui qui chante. Le qui c'est, t'as pas appelé pour jouer à ce jeu là Marion, tu sais? Non mais. Mais tu es fan de lui, c'est ça? Voilà, et d'accord, on permet pas de l'insulter. Mais on l'insulte pas, on dit juste qu'il chante mal. Bon allez, on appelle qui Marion? Gwendoline. Compris pourquoi tu répondais plus. Marion et Benjamin. Gwendoline. Allez, c'est parti, ça on y va. Combien de temps Ah bah là, pardon, maximum t'es. 2 minutes 50, hein, après il y a la pub, donc on pourra pas faire plus loin. Hein. Ça va être du speed, là, tu vas aller voir. Allô? Allô Gwendoline? Oui. Bonjour, c'est question, on y va. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, je t'appelle avec Marion pour le jeu des amis. Oui. Gwen, je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien, c'est gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Allez, attention, il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu passes et c'est considéré comme une mauvaise réponse. Top, quel est le prénom de sa mère? Je passe. Ah, Yvette, hein, c'est dommage de passer. Wow. Oui, zéro, zéro, surtout là. Yvette. Quel est le dernier cadeau qu'on lui a offert? Une boîte de mouchoirs. Oui, alors ça c'est sur Alice. Oh le bâtard. Boîte de mouchoirs. Qu'est-ce qui a offert ça? Boîte de mouchoirs. Bah, si c'est parents, c'est pour ça qu'elle s'embrouille. Ben en fait c'est censé être une pote. Ah oui, c'est censé, j'espère, ouais. J'espère que tu l'as remplacé depuis. Hein. C'est du gâchis. Ah oui. Ah ouais. Bon, quel est son plus gros défaut? Trop gentil. Trop timide. Mauvaise réponse. Ah. Eh oui. Quel sport est-ce qu'elle pratique? Oh putain, j'ai un trou de balle. Oui, du badminton. Un trou de balle. Ouais, non, du badminton. Ouais. Quelle est la marque de son téléphone portable? Sony. Oui, effectivement. Bon, Sony Ericsson pour être précis. Quelle est sa série télé préférée? Je sais pas. Grey's Anatomy. Quel est son style de musique préféré? Le rock, bonne réponse. Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Joe Jonas. Joe Jonas. Joe Jonas. C'est Jonas Brothers. C'est Jonas, là. Ah, Joe des Jonas Brothers. Frère Jonas. Bonne réponse, ouais, qui est avec nous la semaine dernière. Est-ce qu'elle a une tache de naissance? Si oui, où? Non. Non, bah oui, sur la cuisse. Hein. Quel est le prénom de sa meilleure amie? Moi. Oui, bonne réponse, Gwendoline. Allez, c'est 5 prénom, c'est ça, moi. Pas, c'est, moi, c'est pas un prénom. Non, mais c'est pareil. 5 bonnes, 5 mauvaises réponses, une question rattrapage. Attention, si tu réponds bien à celle-là, c'est gagné. Question bonus maintenant. Quel est son objet porte-bonheur? Son téléphone? Non, un collier, c'est dommage. Un peu tout pourri comme porte-bonheur, un téléphone. Franchement, là, vous allez passer une mauvaise semaine, les filles. Ah ouais, là, malheureusement, c'est perdu. Bon, bah tant pis, je vous repasse quand même Micha au standard, d'accord? D'accord. Salut les filles, gros bisous. Salut. À bientôt, ciao. Ciao à vous. Et puis, bon, bah si vous voulez vous inscrire au jeu des amis, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Donc, 612, débutez votre message par énergie. Et puis, vous mettez amis avec votre numéro de téléphone. Et puis nous, on revient dans un petit instant avec Tokyo Hotel. Michael, le podcast. Bon, des messages qui sont arrivés. Samia qui avait téléphoné par rapport à l'écologie, là, puisque c'est le grand sommet de Copenhague, comme dirait Roux. Copenhague. Je crois que c'est les Français qui le prononcent comme ça. Ah bon? Mais non, parce que Sandro le dit Copenhague. Ouais, ouais, bah ouais, moi j'ai entendu. Les Roudis, t'es les plus intelligentes que la moyenne des Français. Ouais. J'ai entendu Copenhague chez Laurent Ruquier, donc je dis Copenhague. Ah, bon, voilà. Alors très bien. Il n'y avait pas Ruquier ce week-end, ouais. C'était la semaine dernière déjà. Tu vois, je m'en rappelle pour lui. Il parle en avance, lui, hein. Bah oui. Ah bah oui. Il est à la fond sur l'avance. Hein. Ah, bon, Constantin. Soir, hein. Constantin qui est là maintenant du 67. Salut Constantin. Salut Mickaël, c'est qui? Ça va? Salut. Ouais, toi? Bah oui, ça va, oui. Ouais. Bienvenue à toi Constantin, tu voulais réagir à Samia et par rapport à l'écologie en règle générale donc? Bah ouais, parce qu'en fait je veux dire que j'étais quand même assez halluciné par ce qu'a dit Samia. Vas-y. Parce que salut. En fait, l'écologie c'est quand même très important. Parce que mon parrain il a créé une association contre le nucléaire donc. Ça me touche vraiment depuis que je suis enfant. C'est pas pareil. Tu peux te battre contre le nucléaire sans être pour l'écologie. En fait, c'est surtout pour les déchets. Enfin, Son oncle l'a en tout cas fait pour l'écologie, sûrement. C'est ça qui m'a dit. Oui, voilà. Enfin, Greenpeace, hippie, enfin, tout quoi. Attends, ton oncle a fondé Greenpeace? Non. Il faisait partie, enfin... Greenpeace, l'association non violente, et qu'il est de plus en plus. La sauce violente. Ouais. Après, c'est les gens qui sont dedans, mais enfin bon. Et puis? Et donc, je veux dire que, donc, par exemple, pour les déchets nucléaires, donc c'est ce que j'aimerais parler. Oui. Parce que c'est un truc qui pollue le plus sur la Terre, quoi. Donc, j'aimerais pas dire de conneries, mais en fait, le truc, c'est qu'on sait pas où mettre les déchets nucléaires. Et non. Bah, c'est ça, hein. C'est stocké dans des poubelles. En Sicile. Hein. Mondiales. Non, mais c'est, enfin, terrestre, quoi. C'est enfoui dans la Terre, c'est déversé dans des rivières et. Le truc, c'est qu'on l'a, en fait, on a mis, d'après ce que j'ai compris, dans d'énormes caissons qu'on a mis dans l'océan. Enterré dans le béton, ouais. Et dans l'océan, à cause de la pression. En fait, ouais, il suppose qu'il y a des caissons qui ont explosé. Ouais, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une idée qui avait été émise, c'était d'aller les envoyer dans l'espace. Je trouve ça drôle. C'est le truc qui va te retomber sur la gueule mille fois plus gros. Ouais. Bah, ça dépend, parce que si tu l'envoies et qu'il n'est plus dans l'attraction terrestre, il va s'en aller. Allons niquer les autres planètes. Et jusqu'au jour où effectivement t'as cette merde qui va aller toucher une autre planète à des millions d'années-lumière, et le jour où on va découvrir qu'il y a une autre planète qui aurait pu être habitable, et ben non, on a déjà pourri à l'avance. Puis en plus c'est du nucléaire, donc pour peu que ça explose, ça te fasse un mutant, mais tu sais, un truc de ouf. C'est ça quoi, tu sais, un truc qui va venir bouffer la Terre. Mais en plus ils ont tellement de débris qui flottent autour de la Terre que. Ah non mais c'est une poubelle hein. Ouais, et donc en fait c'est la NASA qui expliquait ça, que dans quelques années ils pourront plus envoyer de fusées parce qu'en fait elles vont rentrer dans les débris automatiquement. Oui, mais c'est même pour les satellites là, et tout ce qui vous donne la télé, internet, tout le bordel. À tout moment, ils peuvent. Le satellite sur lequel vous regardez. Là, on regarde Eurosport. La tristesse du chapeau de Noël là sur le logo. Mais enfin bon, on regarde Eurosport. Et ça pourrait couper parce que il y a un truc qui est passé au travers du satellite, qui a défoncé le satellite. Tellement c'est une poubelle parce que tous les anciens satellites. En gros, un satellite de télécommunication, ça a une durée de vie approximative de 8 à 12 ans. Et une fois qu'il est fini. Bah il le fout sur une autre orbite, mais voilà, il le fout, il marche plus, il parking, quoi. Voilà, c'est le parking, c'est le cimetière. Dis donc, Igor, il est où, Grishka? Bah, c'est drôle. Sauf que il y a un moment, si tu veux, il y a plus de place dans le parking, donc c'est une poubelle, quoi. Et donc il y a des déchets, des débris, et puis c'est. Moi j'aimerais bien comprendre pourquoi il y a des mecs qui disent qu'ils ont rien à foutre de l'écologie. Enfin, ils disent pas ça, mais ils disent qu'ils arrêtent de nous bassiner avec l'écologie, ce qui est une contre-théorie en fait. Mais en fait le truc c'est que on dit que la Terre va mal, qu'elle est malade, etc. Mais en fait, non. Elle, elle va juste s'adapter et ça va nous retomber sur la gueule, en fait. Mais oui, ouais, oui, au final, oui. Après, ce qui est gonflé, c'est de reprocher aux gens comme Samia d'être égoïste alors qu'on est formé à l'égoïsme dès la naissance. C'est ça qui est gonflé. Oui, en plus, on s'occupe, on s'occupe de problèmes mineurs. Comme quand j'entends qu'on veut faire un couvre-feu pour les moins de 13 ans, alors que... De quel rapport ? Non, mais c'est d'autres débats, sécurité, non, bah, écologie, c'est... ici, c'est des débats qui sont importants, c'est que sécurité, écologie, santé, finance, voilà, point barre. Moi, je elle a raison, Sandra, que... c'est comme ça qu'on en est arrivé là, au final. Hein. Tu penses qu'à ta gueule, finalement, oui. Bah, voilà, tu t'en branles. C'est la société qui nous faut, qui fait qu'on est égoïste, on ne devient pas égoïste comme ça. Hein. Mais ils ont raison, on devrait éradiquer 2/3 de la population. C'est ça, serait bien plus tranquille. Parce que c'est ça, il y a une théorie qui dit que, justement, c'est juste parce qu'on est trop nombreux. La grippe A. C'est en Chine. Alors, je sais plus si c'est en Chine et si ça existe toujours, mais ils ont le droit qu'à un... Non, c'était dans un film. Non, c'est en Chine. Ouais, c'est vrai, ils ont droit qu'à un enfant. Ils ont droit qu'à un enfant. Ouais. Et en fait, si c'est pas une fille, parce que je sais plus... Si c'est une fille, il y a beaucoup de filles qui sont abandonnées, qui se retrouvent dans les orphelinats parce que c'est les filles sont plus difficiles, enfin, rapportent moins que les garçons. Enfin, voilà, il y avait un truc comme ça. Les garçons travaillent, ramènent de l'argent, etc. Là-bas, il y a beaucoup trop de filles, donc du coup, elles se retrouvent en orphelinat parce que quand t'as droit qu'à un enfant, si c'est une fille, elles sont vivantes encore. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a, en fait, ils les balancent dans le fleuve et puis voilà, basta. Ouais. Tu sais, quand t'as trop de chats, tu les encore contre le mur. Et des chatons. Il y en a plein qui font ça. Hein. Ouais, super. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, oui, mais c'est crade, quoi. Ah oui, ah bah, je sais pas si tu cautionnais. Il y a des sang sur le mur. Il ouais. Bon, faut nettoyer, quoi. Que le chat, bon. Tout le monde n'a pas de cartier. C'est ça. Bon, Constantin, reste là. Samy aussi, dans un instant, il y a Sylvain qui voulait donner son avis également. Que Nicolas Sarkozy se fout de notre gueule parce qu'il a émis Jean-Louis Borloo à l'écologie. Ça, c'est le plus gros foutage de gueule. Non, parce que je pense qu'il a l'air super concerné, Borloo. Ouais, il est raisin, tout ça, il connaît. Ouais. Bon, en tout cas, une chose positive. Les États-Unis vont normalement tenter de diminuer aussi leur pollution, leurs polluants, etc. C'est ce qui a été dit en tout cas pour le sommet de Copenhague. Et donc du coup, bah, on s'est dit, qu'est-ce que pourraient donner justement les émissions de télé américaines sans pollution, on l'a écouté tout à l'heure. Et surtout, que pourrait donner une série télé américaine sans pollution ? Salut les mecs. Oh, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Hein. Ouais, c'est bien, mais nous, ça fait déjà 5 heures qu'on est sur les lieux du crime. Hein. Ouais, je sais, mais pour limiter les émissions de CO2, j'étais obligé de venir à vélo. Grissom, venez voir, j'ai trouvé des traces de sang, là. Très bien, faites un prélèvement. Non, impossible, hein. On n'a plus de bâton à prélèvement. Ça, c'est pour lutter contre la déforestation. Ah, c'est pas grave, emballez l'arme du crime. Je peux pas. Les sachets, ils étaient pas biodégradables. Et sinon, on fait quoi avec le cadavre ? Laisse-le par terre. Ça, c'est biodégradable. Regarde-moi ce massacre. 2 balles de plomb dans la tête et étouffé par un sac plastique. Quelle barbarie. Mais non, c'est pas ça le problème. Qu'ils le tabassent, s'ils veulent. Qu'ils le défenestrent, d'accord ? L'égorger, pourquoi pas ? Mais par pitié, faites ça avec des matériaux naturels. Moi, je dis rien de mieux qu'un bon vieux pieu en bois. Ah oui, tout de suite. Ah bah oui, non, mais ça donne moins, ça a moins la classe, quoi. Ah, oh, pourquoi pas, après tout. C'est déjà la sonnerie, les gling-gling, tu sais, du vélo, si tu veux, dès le début, là. La honte. On dirait, c'est quoi, c'était dans quelle série, putain, que les mecs, ils étaient en vélo ? Ça se passait à... Tour de France. Merde. À Santa Monica. Ah oui, NYPD Blue. C'est des flics qui étaient en vélo. Ouais, mais c'est pas à Santa Monica alors. Ouais, si, non, ça se passe à NYPD Blue. Non, c'était pas NYPD. Oui, mais je vois la série. Ouais. Ils étaient, tu sais, à Malibu là. Tu sais, ils étaient sur la plage. Mais c'est ça, c'est le Pierre de Santa Monica, non ? C'est ouais, mais bon, c'est pas NYPD ou un truc comme ça. Pacific Blue, un truc comme ça. Pacific Blue. C'était pas terrible. Oui, c'est ça, j'adorais. Et attends, NYPD mais... Blue, c'est ce qu'ils ont fait après de l'autre côté. Ouais, mais... Ah, peut-être, ouais. Mais attends, parce que fais le Pacific Blue, tu le fais à Dunkerque Blue, tu vas voir, c'est pas moche. Terrible. Non, mais ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient des VTT et qui, comme ils avaient des VTT, et ben ils montaient sur les tables. Ouais. Ils passaient entre les portes et tout, alors qu'ils pouvaient aller tout droit. C'était pareil. Ouais, non, il fallait qu'ils fassent des figures tout le temps. C'est normal, Pacific Blue. Donc, ah, c'était bien. Là. Bon, alors on a déjà parlé du fameux sommet là, donc de Copenhague à l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe en marge de sommet. Alors une des particularités du Danemark, c'est que bah comme en Suisse ou en Espagne, la prostitution est autorisée, enfin tolérée je crois. Enfin bref, il y a des bordels. Non mais ouais, je confirme, il y a bien des bordels. Je m'attendais pas moins que toi. Ouais, c'est ça ouais. Le truc c'est que pendant une dizaine de jours, Copenhague donc sera la vitrine du monde. Tous les yeux seront braqués sur la ville et donc les élus n'ont absolument pas envie de donner une mauvaise image. C'est normal. Voilà pourquoi donc ils ont fait distribuer des milliers de cartes postales visant à dissuader les hommes politiques de recourir à des prostituées. Attends, voilà, j'ai pas compris tous les mots là. Bon alors ok, je reprends pour l'euro. Donc ils ont distribué des cartes postales pour empêcher les hommes politiques d'aller aux putes. Ah d'accord, ok. Mais voilà. Oui, c'est logique, puisque bah maintenant oui. les mecs ils vont dire Roger, j'ai une carte postale, on va pas se faire chier aux putes. Surtout qu'il y en a plein qui vont plus prendre la tête à descendre, non? C'est pareil, je comprends pas la méthode quoi. Si t'as envie de sexe et que tu me distribues une carte postale, c'est bien, je dis merci, mais t'as toujours envie de sexe. Oui, ouais. Bah ouais, il a raison, et puis elle vend tu sais quoi la carte postale. Bon en fait sur ces cartes il y a une mention particulière, pardon Roux, il y a un message particulier, soyez responsable, n'achetez pas de sexe. Oula, et donc ils pensent que c'est ce pauvre message qui va empêcher tous les crevards frustrés d'aller se faire éponger. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme attention, ne roulez pas vite. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le même combat. Hein. Fumer tue. Non, parce que ça encore, ça parle de tuer l'autre. Oui, mais les fumeurs ne se sentent pas concernés. Ouais, bah oui, ça va venir. Bon, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est efficace, effectivement, d'autant plus que les prostituées ont décidé de ne pas se laisser faire. Ah, bah oui, bah alors à quoi elles servent? Non, de ne pas se laisser faire. C'est par la municipalité pardon de Copenhague, hein, donc pas par leurs clients évidemment. En fait, à partir d'aujourd'hui et pendant toute la durée du sommet sur le climat, chaque homme politique qui se présentera avec la fameuse carte postale se verra offrir sa relation sexuelle gratos. Arrête. Putain. Oh, c'est fort ça. Il y a encore un avion pour Copenhague là. je peux partir. Oh, c'est abusé. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Donc je crois qu'il va falloir attacher toi, cela dit. Hein. Pendant toute la durée du sommet, on n'est pas l'abri qui part. Moi, je vais faire l'aller-retour. Bon, et puis il faut être bien vigilant parce que. On revient maintenant donc sur le numéro d'enquête exclusive d'hier soir. Ah. Alors attention, ça c'est va. Du dossier. Oui, a priori, Bernard de la Villardière, ça l'excite moins. Ouais, enfin, ça peut dépendre du sujet. Hein. Oui, bah là, j'ai des gendarmes. Ouais, donc ça va. Des voyous. Ça va toujours. Et des putes. Où ça? Ouais, non. Bon, en fait, les équipes d'enquête exclusive sont parties enquêter sur une nouvelle sorte de délinquance. Le titre de ce numéro, gendarmes à la campagne face aux voyous des villes. Oui, voilà. Il y a vraiment un problème entre les deux. Voilà. Il y a vraiment une confrontation très bizarre entre les gendarmes qui sont... Bah, ils sont gendarmes, quoi. Ouais, mais c'est pas des policiers, quoi. Ouais, mais bon, campagne, faut le dire vite aussi, quoi. Ouais, alors campagne, c'est vrai qu'il faut le dire vite aussi, mais enfin, tu vas voir, on va en parler, tu vois. Bon, très bien. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est loin d'être terminé le truc. Ouais, hein. Mais attendez, moi je croyais qu'on allait parler de pute là. Oui, on y vient. En fait, il n'y a pas que les délinquants qui s'exportent. Les prostituées ont tendance, elles aussi, à se délocaliser vers des villes plus petites que Paris, par exemple. C'est ça en haut. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. En fait, elles sont avec leurs camionnettes. Hier, ça se passait à Méru. Alors déjà ouais. Quand t'es une pute, faut avoir envie d'aller à Méru. Ça fait vite morue, hein. Ah grave, c'est horrible. C'est à 60 bornes de Paris, je crois que c'est dans le 95, ah, ou si peut-être près, que j'ai des conneries. Ouais, c'est pas très loin, mais ouais. Par contre tu regardes la gueule du village. T'es dans le fin fond du monde. Enfin, de la France. Plutôt. Ouais, mais au moins elle est sûre qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais bon, elles sont les putes alors. Oh. Alors en fait, le truc c'est qu'elles sont à l'extérieur de la ville. Elles sont dans les champs. Elles sont dans les champs. Dans les champs. Sauf que évidemment, bah les flics, à partir du moment où les meufs rentrent, enfin les prostituées, les péripatéticiennes, rentrent dans la commune, bah ça va pas trop aux flics. Ouais, bah, ça saoule. Voilà. Ouais. Allez, on écoute ça. La possession, c'est un vieux métier, ça a beaucoup duré, ça ne finira jamais. Mais bon, il va falloir quand même trouver une solution, aller ailleurs. Ailleurs, c'est où? À Paris. Pourquoi vous restez pas sur Paris? Il y a trop de filles à Paris. Ah, il y a trop de filles. Attendez. Mais pourquoi vous n'allez pas sur Champigny? Ils ont plus d'argent. À Gentilly, hein. Il y a plus d'argent là-bas. Ah bon? Ah, Champigny, il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de riches. Oh oui, on va faire chier les collègues, hein. Tu sais, ils leur conseillent d'aller bon, juste ailleurs là-bas, ils ont de la thune. Allez-y, vous avez ça de l'argent. T'as retenu l'adresse, Toff? Ouais, donc c'est Chantilly et sinon c'est Méru. Ouais, c'est ça. Mais bon. Méru, ouais. Faut avoir envie, hein. Ouais, faut vraiment avoir envie. Mais rassure-moi, c'est une caméra cachée. Non, devant la caméra, il dit ça, le mec, le gendarme. Ah, mais va à Paris, hein, c'est attends, bien Paris. Attends. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure qu'ils ont ni les gendarmes, ni les putes n'ont aucun problème avec est-ce que la caméra soit là. Ça ne gêne pas du tout. T'en as d'autres ou? Ouais, là donc là, ils sont là en ce moment même, elles sont en garde à vue, je crois. Ouais. Bon, en tout cas, elles sont en train de faire une déposition. Elles sont sorties depuis le tournage. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, le moment qu'on écoute. Voilà. Ah oui, voilà. Elles sont en train de faire une déposition. Et là, bah, je trouve que la meuf, elle est juste un petit peu osée de dire ça. Ça ne gêne pas du tout la gendarme. Très bien, bon, on écoute ça. Daphné, elle, prend le temps de faire parler sa cliente. Moi, j'ai rien à me reprocher. Au contraire, je fais que du bien. Normalement, je devrais me faire rembourser par la sécurité sociale. Faites gaffe à ce que vous dites, parce que... Ah, grosse répartie. Ouais, effectivement, grosse répartie. Hein, derrière, elle lui fait à ce moment-là, vous allez devoir payer des impôts. C'est vrai. Allez, une petite dernière avant que je vous fasse découvrir un petit truc sympa. Ah, ce sera cochon ton truc sympa. Oh, Dof, putain. Bon, c'est surtout drôle. Bon, bah, je vais pisser. Bon, tu devrais rester, ça dit Dof, parce que là, on reste sur nos amis les prostituées et on va parler des tarifs. Ah. Alors, quel tarif est-ce que vous pratiquez? La fellation, 20. L'amour, c'est 40. D'accord. Mais avant, les gens, ils donnaient sans discuter. Maintenant, ils discutent. Maintenant, ils discutent parce que c'est dur. Donc, pour une fellation, c'est 20 euros. Pour l'amour, c'est 40. Et bon, vous faites des branlettes. On peut rigoler. Un chat. Une petite branlette, c'est combien, une petite branlette? Ben, nous, normalement, toute prestation commence à 20 euros. Non, mais que vous le branliez ou que vous le fichiez, c'est 20 euros. Voilà. Vous ne faites pas... Vous... Ah d'accord. Et l'autre, la meuf, ah bah carrément. Et le gendarme, il dit, attends, à ce tarif-là, mieux vaut se faire sucer. Hein. Non mais c'est... franchement, c'est marrant, mais c'est inadmissible que les flics parlent comme ça. Mais non, c'est une petite ville de campagne, il se passe rien. Elles sont obligées de choper des... Elles font rien en plus, les putes, elles sont dans les champs, elles sont cachées, personne ne les voit. Mais c'est gonflé de dire et la petite branlette hein. Non mais, elle se tape, franchement, pendant tout le temps de la déposition, les putes et les gendarmes, ils se tapent des barres. Ouais, ils rigolent ensemble. Mais c'est ça. Je trouve ça déplacé de la part des flics. Bah pour une fois qu'ils sont cool. Non mais au moins c'est détendu, tu vois. Ah bah oui, pour être détendu. C'est bon esprit. Ce sera bien. Et puis derrière le flic il va lui demander une petite gâterie pour pouvoir être relâché. Ça se trouve c'est le GAV comme on fait le soir. Bon, c'est les vrais. Une petite pipe et puis vous pouvez partir si tu veux. Bon, cela dit, serait bien d'en avoir plus. Plus des comme ça, Tof, des gendarmes, je parle. Oui. Ouais. Bon, comme je vous sens bien chaud sur le sujet, là, je vous propose un petit son sympa. Ça n'a rien à voir avec enquête exclusive, mais c'est vraiment drôle. J'ai découvert un type sur le net, Patrice Clébard, hein, tout simplement. Il a un chien, lui. Ouais, voilà. En fait, c'est un peu comme un nouveau Borat, mais à la française, en fait, tout simplement. Ah, Borat. Borat, pardon, oui. Alors, quand on cherche des infos sur Patrice Clébard, on découvre que c'est un joueur de poker, qu'il a gagné le Nevada Poker Tour en 2004. Ah, quand même. Qu'il l'a perdu en 2005 et qu'à cette occasion, il a montré ses couilles à tout le casino. Surtout dans le Nevada, à mon avis, c'est mal passé. Je te confirme. Après ce scandale, donc, Clébard décide de se tourner vers les autres. Et comment fait-il? Eh bien, il a créé une association pour apprendre le poker aux petits Africains en difficulté. Mais le mec, il a un problème. Voilà. C'est pas possible. C'est vrai que les petits Africains ont besoin de ça, pour survivre. Donc, bah, le type est complètement barré, mégalo. Et puis, quand on le retrouve en vidéo, bah, c'est drôle, hein, tout simplement. Alors, écoutez ça. Donc, Clébard se fait interviewer par une journaliste américaine au pied de la Tour Eiffel. Et elle lui demande comment on dit bonne chance en français. So, how do you say in French? Good luck. Suce ma bite. Really, I thought it was bon chance. La meuf, elle connaissait la réponse. C'est suce énorme, ma bite. So how do you say in French? Good luck. Suce ma bite. Really, I thought it was bon chance. Heureusement qu'elle savait ce que ça voulait c'est dire. C'est clair. Elle aurait dit ah oui c'est cool. Elle aurait répété. Ah oui c'est clair. Bon merci beaucoup. Thank you very much and sous ma bite. Voilà. Ah bon d'accord ok. Bon pour ceux qui en veulent plus la vidéo de Patrice Clébard est sur le blog hein, donc www.mikl.fm. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Mikl le podcast. Ah oui j'ai vu un truc bizarre au Mexique plus précisément bien évidemment à Pachuca Pachuca donc près de Mexico City. La mairie a fait voter une loi vraiment particulière. Est-ce que les mecs étaient bourrés, je ne sais pas. Donc dans cette ville, il est interdit de transporter dans sa voiture sans autorisation, à votre avis, hein? Nachos. Un cadavre. Un cadavre, effectivement, c'est une bonne réponse. Oui, il faut attendre la morgue. C'est ça, voilà, exactement. Alors apparemment une explication à ça, parce que personne Donc il y a une explication logique à ce truc-là, en fait, parce que personne, à moins d'avoir un problème psychiatrique, en fait, un grave, malgré tout, ne se balade avec un cadavre pour le plaisir. T'imagines aussi le mec, ton cadavre? Oui. Tu sais pas si mémé elle vient clamser, il faut bien l'emmener. Non, mais c'est pas pareil à ce moment-là. Ça arrive déjà pas à tout le monde de se retrouver avec un cadavre entre les mains. Ouais, puis en général en France la tradition c'est de les congeler quoi, tu vois. Ouais. Chez vous c'est de les enterrer donc. C'est ça. Bon, ils vont faire une loi en France hein, ça va être interdit d'avoir des corps dans ton congélateur. C'est ça. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'au Mexique tous les jours les flics retrouvent un ou plusieurs cadavres abandonnés dans des voitures. Ça se passe uniquement dans le nord du pays à la frontière des États-Unis. Alors pour ceux qui ne le savaient pas encore, donc les cartels de la drogue se font une guerre meurtrière pour contrôler le trafic de drogue. Mais non. Je dis ça pour ceux qui ne savaient pas. Mais c'est là-bas aussi qu'il y a une unité spéciale où c'est vrai, c'est pareil, c'est des malades. C'est au Brésil. C'est au Brésil, je confonds. En fait, dépend, c'est une unité de flics qui tue, hein, ils tuent, ils tirent, ils tuent les. Ah oui, innocents, pas innocents. Tuer les dealers, sauf que des fois, il y a malheureusement des innocents. Ils essaient d'éviter. Ils essaient quand même d'éviter, mais bon, s'ils tuent, ils tuent. C'est entre la Guadeloupe et le Brésil. Ah, je sais pas. Oui, il me semblait que c'était au Brésil. Non. En fait, c'est des Brésiliens. C'est un groupe d'intervention. Genre, leur logo, c'est une tête de mort. Ah, c'est bien. Au moins, tout de suite, tu sais à quoi t'attendre. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est sur contre la drogue. C'est sympa. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est la jonction entre les deux. Parce qu'il y a c'est les blagues quelque chose. Il y a blague dedans. Ah ouais. Je sais pas. Vous savez ce que c'est. En tout cas, si vous allez là-bas, méfiez-vous. Mieux vaut un gilet pare-balles. Ça peut toujours servir. Évitez d'y aller si vous avez le choix de, votre destination. Bon, et en parlant de loi à la con, donc j'en ai quelques-unes là sous le coude. Évidemment, je sais que Roux aime bien ça. Roux, c'est ton cadeau de Noël. Oui, j'aime bien. Ouais. Ce sera ton cadeau de Noël. T'aimes merci. C'est très chouchou, avec plaisir. Je préfère autre chose si tu. Oui, c'est trop tard. On refuse pas un cadeau. Le principal, c'est de l'offrir. Surtout un si joli cadeau, Roux. Bon, on va faire un questionnaire à choix multiples pour le Roux. Dans le Wisconsin, donc, il est illégal. On peut jouer ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais. Dans le Wisconsin, donc, il est illégal de faire quoi avec les cheveux d'une femme ? Il est illégal de manger les cheveux d'une femme, de couper les cheveux d'une femme ou de se faire un pull avec les cheveux d'une femme ? De se faire un pull ? Moi, j'aurais dit pareil. Non. De les manger ? Non. Bon, la dernière. Ouais, il est illégal de couper les cheveux d'une femme. Dans le Wisconsin ? Ouais. Oui, mais le coiffeur, il fait comment alors ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Il fait pas. Il fait pas. Sinon, il est... tous les coiffeurs sont hors la loi dans le Wisconsin. Peine de mort. Ils peuvent coiffer les hommes. Les hommes, oui. Ou alors tu te fais trave, hein, tu vas là, et puis après tu reviens. Ouais. Et les Américains, faut vraiment qu'ils arrêtent. Mais non, mais la majorité du temps, c'est des vieilles lois à l'époque, ils ont parmi eux, mais ils les appliquent pas. Oui, il y a pas mal de lois aussi, suite au procès, pour tout et n'importe quoi. Oui, ça aussi, ouais. Bon, attention, deuxième. En Chine, vous avez le droit d'aller à l'université. Si vous êtes intelligent, si vous aimez le riz, ou si vous parlez turc. Alors si vous aimez la vie, c'est très dépassé. Si moi je suis sûr que c'est celle-là. Non. Si vous parlez turc aussi. Ouais, je suis sûr que c'est le riz. Si vous êtes intelligent, bonne réponse. Ah oui. Seulement si vous êtes intelligent. Ils tombent un peu sous le sens. Les mecs sont très rationnels. Ouais. À Londres, il est illégal de héler un taxi. Si vous avez la peste, si vous êtes bourré, si vous avez le crâne rasé. Taxi. Ouais, de l'appeler genre. Alors vas-y, répète les propositions. Donc si vous, il est interdit. Donc si vous avez la peste, si vous êtes bourré ou si vous avez le crâne rasé. Oh, ça doit être une vieille, ça doit être la peste. Ouais, effectivement, bonne réponse, c'est la peste. Ouais, donc on peut pas l'appeler s'il est, si on a la peste. Retour aux États-Unis. En Floride, une femme célibataire n'a pas le droit de faire quoi le dimanche ? Si elle le fait, être emprisonnée, sauter en parachute, se faire sodomiser ou manger des cacahuètes d'un singe. C'est la sodomie. C'est la sodomie qui est interdite le dimanche. Non ? Non. À quoi manger des cacahuètes d'un singe ? C'est quand même tellement perché que ça doit être ça. Ouais, mais sauter en parachute, c'est pire et c'est pourtant ça, hein. Ah, c'est sauter en parachute ? Eh oui, une femme célibataire qui saute en parachute le dimanche peut être emprisonnée. Je sais pas. Bon, toujours aux US, les meilleurs restent aux US malgré tout. Oui, c'est normal, c'est les champions du monde. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette loi. Ouais, ce serait pas mal de le trouver, ouais. Mais en l'occurrence, on sait pas. Mais cela dit, si tu n'as rien à faire ce soir, tu en parleras demain. Faut vraiment avoir envie. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est super intéressant, moi, je trouve. Hein. Ah, bah, très bien. Eh bien, parfait. Là, bon, alors, je cherche pas deux. Non, cherche pas. Crever, hein. J'ai demandé aux auditeurs d'envoyer la réponse s'ils l'avaient. Ouais. Bon, à Chicago, une femme n'a pas le droit de faire quoi entre avril et juin ? De faire de la balançoire déguisée en Bugs Bunny, de manger de la terre avec un Apache, ou de discuter avec un verre de terre pendant la pause déjeuner. Ah bah les trois sont improbables. Attends, redis-les. De faire de la balançoire déguisée en Bugs Bunny. Redis la question. À Chicago, une femme n'a pas le droit de faire quoi entre avril et juin ? De faire de la baignoire déguisée en Bugs Bunny. De la balançoire. De manger de la terre avec un Apache, ou de discuter avec un verre de terre pendant la pause déj. La terre avec l'Apache ? Ah moi j'aurais dit le verre de terre. Les balançoires, ça n'existait pas à l'époque. Si, attends. Ah si, sur les arbres. C'est deux, hein. C'est deux cordes et une planche en bois. Elle est à toute maison dans la prairie. Mais parce que tu sais, moi j'ai vu la balançoire fashion direct. Ah bah oui. Non, là pour la peine, on se fout un peu de votre gueule, aucun des trois. Ah. Alors 6 au Texas, il est obligatoire au Texas, hein, c'est les plus perchés. Hein. Ouais. Il est obligatoire de Il est obligatoire de s'acquitter de la somme de $25 par an pour pouvoir posséder une bombe atomique, un alligator mort ou un appareil à voyager dans le temps. Une bombe atomique. Un alligator. Un appareil à voyager dans le temps. Et non, sans droit à la bonne réponse, hein, pour pouvoir posséder un alligator mort. Ah oui, la bombe atomique, je sais même pas si ça existait déjà, si. Oh. Les bottes, ça compte ou pas pour l'alligator mort? Non. Donc au Texas, il est obligatoire de s'acquitter de la somme de $25 par an pour pouvoir posséder un alligator mort. Je vous explique pas après trois mois l'odeur. Hein. Avec les mecs qui mettent des Santiago et tout. Ouais. L'odeur, si, la taxidermie, ça se fait, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pas le cadavre. Hein. Ça pue sa mère quand même. Il y en a une en France aussi qui est pas mal, c'est que t'as pas le droit d'appeler ton cochon Napoléon. Oui, c'est vrai. Ça c'est encore logique. Oui, c'est logique. On sait que les lois en France, elles datent du code Napoléon, enfin de Napoléon. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, dans un instant, on va faire le GAV avec Tamara qui est là maintenant. Tamara, 20 ans, du 60. Salut, par contre, Tamara. Tu as le droit d'appeler ta cochonne Carla. Oui, bien sûr. C'est vrai. Ouais. T'as truie. Pour le moment. Bon, Tamara, ça va bien? Oui, c'est moi. Salut Mickaël, salut à tous. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Bon, bah super. On va faire un petit GAV dans un instant. Y a pas de souci, ouais. Alors, on va appeler qui? On va appeler comment, pourquoi, ouais, avec qui? Dis-nous tout. Alors voilà, en fait, on appelle mon père. Mmh. Parce qu'en fait, lui, si tu préfères, il s'amuse souvent à me faire des blagues téléphoniques comme ça tout seul. Et donc là, en fait, je veux juste reprendre ma revanche. Et donc, en fait, j'ai trouvé l'idée. Donc là, il croit que je suis au bowling avec un ami à moi. Ouais. Qui s'appelle Julien. Et en fin de compte, je vais me faire... disant arrêté par la gendarmerie. Ouais. Et donc eux vont mal me parler en me demandant mes papiers. Moi je vais bien pas apprécier. Évidemment. Et en fin de compte je leur mets un coup de pied dans les parties intimes. Parfait, très bien. Une donc, boule de bowling. Ouais. Tu fais tomber la boule de bowling sur les pieds. Oui, non, mais un petit coup de coude, un petit coup de genou. Ouais. Strike. C'est parfait. Sauf qu'on n'est pas voilà, au bowling, on est à la police. Non, elle est au bowling. Et donc le gendarme en question est à l'hôpital. D'accord, mais ah, toi, donc on n'est plus au bowling. Du coup, t'es chez les flics, toi. Je suis en garde à vue. Ouais, vas-y, fais un dernier strike. Très bien. Bon, on l'appelle dans un instant, Tamara. Tu restes là, d'accord? D'accord, ok. Bon, ne bouge pas. On fait le GAV dans quelques secondes. Si vous avez des petits trucs sympas hein, à propos du GAV, des petites idées, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie. Un message vite fait qui dit coucou tout le monde. Vous parlez des Américains, mais dans le code civil, il y a écrit qu'une femme n'a pas le droit de porter un pantalon. Bisous à toutes. C'est vrai, c'est n'importe quoi. Mickaël, le podcast. Bon, on va donc jouer à DJ Row aussi tout à l'heure et puis on va faire le GAV maintenant avec Tamara qui est de retour. Tamara, on va appeler ton père donc hein, pour lui faire croire que t'es chez les flics, t'étais à une partie de bowling avec un pote à toi, tu t'es énervé sur un flic, tu lui as donné un coup de pied dans les parties, il est à l'hosto, t'es en garde à vue quoi en fait tout simplement. Ouais. Donc on va un peu lui prendre la tête, d'accord? Ah oui, elle lui prenait bien la tête alors, ouais, bien comme il faut. Hein. C'est vrai. Et t'es pas obligé d'en faire toute une tartine, hein, Tamara. Ouais, y a pas de soucis. Tamara, c'est ça. Par contre, il y a un message qui vient d'arriver. Le GAV, c'est toujours aussi super. Mais pourquoi Sandro ferait pas un peu la fliquette? Mais oui. Mais je suis d'accord. Mais, il est vrai que je n'avais jamais pensé à ce détail. Je suis sûr que tu l'as inventé le texto là. Il est marqué là. Combien de fois j'ai demandé à jouer à ce jeu? Tu sais quoi? C'est Micha qui vient de m'envoyer le texto parce que je l'avais pas vu. Et en plus, moi, quand je demandais à jouer, je demandais même pas un rôle important, je demandais à faire le téléphone et vous m'avez remplacé par les machines. Oui, mais bon. Mais c'est la mondialisation. Ouais, c'est la mondialisation. Ah bah voilà, alors me demandez pas de faire la fliquette mais maintenant. Mais tu sais que ce n'est pas nous, ce sont les auditeurs. Non, c'est un texto. Et puis en plus, dites-nous si vous voulez que Sandro fasse la fliquette un jour, là-dedans. Je vous nique le jeu, je vous préviens, je nique le jeu. En plus, t'as eu des super bons exemples tout à l'heure, là, dans les extraits de. Mais ouais. De quoi, enquête exclusive. Mais c'est ça, en plus, c'est vrai que t'as eu des bons exemples. Ah, ne relancez pas sur enquête exclusive. Ouais, non, sinon, bon, il passait la nuit. Ça m'a assez énervé comme ça. Oh, mais c'était marrant, que les putes et les gendarmettes, c'était marrant. Ouais, la radio. Roux, n'empêche, elle serait bien quand même en fliquette. Mais ouais. Ah, moi, en uniforme, je peux payer pour la niquer. Hein. calme-toi. Ton képi, là, je peux te dire. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Tamara, on y va, on appelle, d'accord? Ok, d'accord, c'est parti. Très bien, parfait. Allez, Sandro, tu fais la fliquette et j'ai les réponses du QPR. Oh, tu vas pas l'acheter avec ça. Oh, il serait capable. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on y va, Tamara, on est chez les keufs, d'accord? Ok, d'accord. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Tu te fous de ma gueule? Tu crois que je t'entends pas en train d'appeler Pablo? Quoi? Mais non, pas du tout. Si. Tu peux me ramener un café, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. T'es dingue. Ouais, sans sucre, ouais. C'est ça. Fais attention. Allô. Allô, papa. Ouais. Ouais, c'est Tamara. Qu'est-ce que tu fais? Bah, papa, j'ai eu un petit souci. Quoi? Bah, on s'est fait arrêter par les flics. Mais où? Hein? Où? Bah, on sortait du bowling et en fin de compte, t'avais un gendarme. Il est venu pour contrôler les papiers, tu sais. Ouais. Et donc, mon copain, il bidonne et le flic, il commence à nous faire des réflexions. Et il est parti loin, franchement, il nous a super mal parlé. Et donc, il nous a fait sortir de la voiture et puis il nous a poussé à bout. Et puis moi, je lui ai donné un coup de pied entre les jambes. Ah, tu l'as frappé, ce connard? Bah oui. Et du coup, bah, ils m'ont mis en garde à vue, il est à l'hôpital. Qui c'est qui est à l'hôpital? Bah, le gendarme. Ils l'ont amené à l'hôpital. Et je me fais chier à sortir en pleine semaine comme ça. Bah, je sais bien, mais donc là, j'ai pas beaucoup de temps pour te parler. Ils m'ont dit que je devais t'appeler. Mais vu que je suis majeure, et ben, t'as même pas à venir, quoi. Et que c'était minimum 48 heures. Mais ça va pas la tête, t'es où, là? Bon, écoutez, mademoiselle, il s'agira de ne pas passer votre vie au téléphone ce soir. Hein. Qui c'est, là, qui parle derrière, là? Ben, c'est le gendarme. Je comprends rien. D'où il te garde, là? Parce que c'est toi qui as tapé l'autre gendarme? Ah oui, c'est moi. Mais t'es côté... C'est l'histoire... Robert, tu peux décrocher le téléphone, s'il te plaît? Oh là là, une seconde. Et c'est quel commissariat, là? Elle est en cours. Elle est en cours, t'es chez la gendarmerie, en cours. Oui. Bon, mademoiselle. Comment il parle, oui. C'est quoi ces mecs-là, là? Vous êtes au téléphone avec qui, s'il vous plaît? C'est mon père. Sur mon portable, là? C'est votre... Bah non, je suis sur leur numéro. Là-bas, j'ai pas de portable. C'est votre père? Excusez-moi, mais oui. Ça vous dérange pas de me répondre quand je vous parle? Est-ce que c'est oui, votre pardon, père? Excusez-moi, c'est mon père, oui. Oui, enfin, vous avez déjà fait pas mal de choses ce soir, hein. Bah aussi, bon, vous n'aviez pas à me parler comme ça. Hein. Ne commencez pas, je vous rappelle que c'est vous qui avez agressé un policier. Bah faut savoir sur le ton qui me parle aussi. Hein. Le problème n'est pas là, on n'agresse pas les gens comme ça. Non mais vous êtes malade ou quoi? Oui, puis d'abord je parle à mon père, je vous parle pas à vous. Oui, mais moi je vous parle. Bon, passez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Ouais, papa, il veut te parler. Bon, bah je vous le passe. Je vais essayer de parler au père pour voir. Bon, vous allez voir mon collègue. Vous allez voir mon collègue. Bon, allô monsieur. Allô. Oui, je vous écoute. Bon. Elle est pas facile, votre fille. C'est votre fille, hein? Bah, je sais pas, vous dites que oui, vous bon. Êtes appelé la fille, mais d'abord, vous êtes qui? Vous quel gendarme? Quel crabe? Vous êtes qui? Bah, enfin, écoutez, monsieur, ça se demande? Ah oui, ça se demande. Ah bon, et ça se demande alors? C'est-à-dire que vous avez un problème avec votre fille qui vient d'agresser un agent, et la seule chose que vous me demandez, c'est ça. Vous me demandez pas comment va l'agent, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est à l'hôpital, etc., etc. C'est bien facile de dire ça, moi je vous demande, présentez-vous, déjà c'est la moindre des choses. Non mais monsieur, sans déconner, est-ce que vous pouvez juste imaginer deux secondes, parce que je parle un peu maintenant, je suis sous le choc, parce que en plus d'être un collègue, c'est également un ami qui est à l'hôpital. Oui, ami ou pas ami. Parce qu'il a pris un coup de pied de votre fille dans les parties intimes. Vous êtes militaire, donc... Monsieur. Allô. Allô. Monsieur. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Qu'est-ce que je suis comme grade là? Moi je galérais, personne m'aide. Ah bah capitaine, c'est bien capitaine. Je vais pas dire adjudant, mais non, faut revenir un peu plus bas dans les trucs un peu raisonnables, un peu logiques. Bah, sergent alors. Et mon père elle a raccroché. Bah t'as qu'à dire pas, t'es stagiaire, t'es en stage, voilà, troisième. Non, il va se reprendre de haut alors. Mais qu'est-ce que je peux être comme grade sans me la ramener, tu vois, sans être non plus. Caporal. Bah t'es brigadier. Maréchal des logis chef. T'es à la cantine quoi, sur les plats. C'est là que ça venait chercher. Maréchal des logis chef. C'est encore ça quoi. Bah oui, c'est un grade. C'est une petite ville qu'on a. Bah parfait, maréchal des logis chef. Dis t'es shérif, t'en branles. Maréchal, ça existe pas. Mais non, franchement. Si, à l'époque des gendarmes avec de finesse, maréchal des logis chef. Mais c'est ça, il y a 1000 ans. Mais en même temps, t'as qu'à googler, tu tapes grade gendarmerie. Mais oui, mais qu'est-ce que je sais, vous me perturbez là. Pas hiérarchie, gendarmerie. Et si mon père est des points, il va à la gendarmerie. Mais là, c'est toi qui n'es pas futé, hein. T'aurais dû dire un truc plus loin que chez toi, là. Ça se trouve, il descend de la rue et il est chez toi. Non, arrêtez, vous voulez pas m'appeler? Bah si, mais mon grade. Mais cherche Google. Parce que mon père, c'est quelqu'un de très nerveux d'habitude. De quoi? Parce que mon père, c'est quelqu'un de très nerveux, là, il peut se retrouver lui derrière les barreaux. Ah, c'est toi qui as jugé. C'est toi qui t'es inscrite, si on peut se permettre. Oui, voilà, c'est ça. Si on peut se permettre. Attends, hiérarchie, gendarmerie. Ça passe tout seul. Moi, je peux le faire. Toi, je pue tout court. Bon, je trouve pas. Oh là là, oh là là. Bah ouais, mais bon. Sous-officier, voilà. T'es sous-officier. Officier marinier. Non, sous-officier, c'est encore un peu moins. Bon, sous-officier. Allez, sous-merde, tu vois, putain, t'as vu? Hein, les gars? Ouais, t'as trop la classe. Ah ouais. T'as dû te faire arrêter souvent pour savoir. Allô. Jamais. Sous-officier René. Police nationale. Elle. Si on m'a demandé d'aller au poste pour faire des cochons. Allô. Allô. Oui. Excusez-moi, ça a coupé. Vous n'avez pas raccroché, j'espère. Non, mais attendez, là, déjà, d'une, les gendarmes qui appellent en numéro privé, là, vous appelez, attendez, je suis en train de... Là, j'ai en train de me saper et j'arrive... De quoi vous parlez, mais enfin, c'est sur Alice, votre fille agresse quelqu'un et vous me parlez d'un numéro privé. Maintenant, moi, j'ai en train de m'habiller, là, et je vais débouler à la gendarmerie de Liancourt. Et qu'est-ce que vous allez faire de la gendarmerie de quoi, vous dites? Oui, de Liancourt, parce que vous êtes à Liancourt avec ma fille, vous allez voir. Ah bon, bah écoutez, on a déménagé, alors. Pardon? On a déménagé, pourquoi est-ce que vous... Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Mademoiselle, pourquoi vous avez dit à votre père qu'on était à la mauvaise gendarmerie? Parce que s'il vient vous chercher, s'il va à l'autre gendarmerie, on n'arrivera jamais. Hein. Ça va pas se passer comme ça, faut pas déconner. Bon, écoutez, je vous le repasse. Maintenant que t'es frappé le gendarme, ça t'avait tort, mais attends, j'arrive quand même et on parle pour aux gens comme ça. L'autre, il se présente même pas. Non, c'est mais quoi, papa, ces gens, après, là. Ça va être pire, t'as pas ouais, bien non, non, mais il y a pas pire de pas pire. Attends, je suis en train de... Là, je te dis, là, j'étais couché, je me m'habille, j'arrive, tu vas voir les gendarmes. Mais non, mais papa, attends, on n'est pas libre. Attends, le mec, il se présente même pas. Attends, que t'es fait des conneries, ça, tu, c'est ton problème, tu, on rêvera ça. Mais oui, mais il est énervé parce qu'après, je les ai tous insultés, mais c'est pas la peine de venir. Mais attends, ça, viens pas, s'il te plaît, ça va être pire. Non, mais attends, j'arrive. Je te dis, là, je m'habille et c'est moi qui arrive. Tu vas voir un peu comment ça va se passer à Lyon, quoi. À gendarmerie. Mais non, mais papa. Quoi? Non, mais là, ça se trouve, dans 2 heures, je sors et puis voilà. Jo, tu as dit au téléphone, tu l'as appelé? Mais non, j'ai pu appeler que mes parents. Bah non, Jo, je l'ai pas appelé. Et puis, je vais pas aller l'inquiéter alors qu'il est loin. Attends, bouge pas, de cette manière moi j'arrive, laisse, je vais arriver. T'es à Liancourt, ah, là, oui. Dans les Algéco à la con, là? Comment? C'est où, à Liancourt, enfin, les Algéco, là, où ils sont, les trucs préfabriqués? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Tu crois, ils non, sont mais viens pas, non, viens pas, papa. Des lignes. Bah, bon, en fait, mademoiselle, excusez-moi, on doit vous reparler juste un détail. Dites à votre père qu'on le rappelle dans 2 minutes. Ouais. Papa, on te rappelle dans 2 minutes, ça se trouve, ils vont trouver une solution, s'il te plaît, viens pas. On te rappelle, moi je saute dans la bagnole, t'as marre, je vais prendre mon non, papa, viens pas, s'il te plaît. Ah non, mais arrête, ils vont pas nous casser les... Dans 2 minutes, on le rappelle, dans 2 minutes, mademoiselle, vous pouvez lui dire, dans 2 minutes. Papa, dans 2 minutes, on te rappelle, s'il te plaît. Elle est où, maman? Dis à maman qu'elle te dise de rester. Non, non, c'est trop tard, allez, j'arrive. Bon, dans 2 minutes, on arrive. Non, papa, allez, vas-y. Mais Tamara, pourquoi t'as pas dit? Mais non, je ne suis pas dans ces trucs préfabriqués, je suis à l'autre bout de la ville. Ce qui était énorme, c'est dis à maman qu'elle te dise de rester. Ouais, c'est ça. Bon, on doit mettre la pub et du coup, on mettra pas le disque, on revient dans 2 minutes, bouge pas. Mickaël, le podcast. On va le rappeler direct. On perd pas de temps. Rappelez le direct. Direct. Parce que là, il a appelé ma famille, ça y est. Hein. Parfait. Il a appelé ma tante qui était là et tout. Bouge pas. Ouais. Allô, monsieur? Oui. Bon, ne vous déplacez pas, on a trouvé une solution avec votre fille, hein. C'est quoi alors? Bah écoutez, c'est-à-dire que... Enfin, vous déplacez pas quoi. Attendez, elle est où la Tamara là? Bah elle est toujours là évidemment, on l'a pas mise dehors, hein, ça tombe sous le sens. Non non, mais on a trouvé une solution financière. Ah, financière? Oui. Bah, c'est-à-dire que, bah, vous savez, vu l'heure qu'il est, on n'a pas forcément envie non plus de commencer à rentrer dans des... dans de la paperasse pendant des heures et des heures, elle non plus, donc bon, financièrement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit... Non, non, ça veut dire quoi, ça, financière? Bah, c'est-à-dire qu'en gros, elle nous fait un chèque, quoi, sous la table, et puis comme ça, il n'y a pas de papier, on fait rien contre elle. Et voilà, j'ai eu l'hôpital, il n'y a rien de grave pour mon ami, donc ça va, je suis soulagé. Juste beaucoup de peur, et puis bon, évidemment, dans les parties, ça fait toujours très mal, mais bon, il est d'accord également, donc voilà, il n'y aura rien de plus, quoi. Bah, soit c'est mal ce qu'elle a fait, et alors, elle mouche rouge parce qu'elle a fait mal. Mais d'où la police française en France, la gendarmerie, on négocie... Non mais c'est pas qu'on fait ça d'habitude, mais... derrière, là. Non rien, c'est un détenu. Bon, calmez-le le détenu là, s'il vous plaît. Bon, donc on a trouvé la solution, donc vous inquiétez pas. Non, mais il n'y a pas de solution à donner de l'argent aussi. C'est trop tard, là, elle nous a déjà donné le chèque. Hein. Il va pas nous casser les couilles, déjà. C'est-à-dire que... Ça m'étonnerait. Non, mais ça, c'est pas hors de question de payer. Ah bah écoutez, excusez-moi, sous votre respect, elle est majeure, elle n'a pas besoin de votre avis. Eh bah peut-être, mais n'empêche que ça reste quand même ma fille. Vous allez fermer sa gueule. Peut-être, mais est-ce qu'on peut calmer le détenu, s'il vous plaît? C'est un toxico aussi. Bon, excusez-moi. Bon, attendez, je vous repasse votre fil, vous voulez juste vous dire un mot et on la ramène juste après. Hein. Tenez, mademoiselle, allô, téléphone. Allô, papa? Ouais, non, mais c'est quoi cette histoire de filer du fric, là? T'as fait des conneries, t'as qu'à pas sortir. Qu'est-ce que tu vas foutre en semaine à te faire des soirées à la con, là? Mais c'est mon pote, il allait pas bien, il m'a donné... Attends, soit t'as fait des conneries, tu vas moucher rouge, et tant pis pour toi, mais tu vas pas filer de l'argent. Attends, c'est quoi cette histoire? Attends, d'où on paye les flics, maintenant? Ça, vous avez vu ça où? Attends, on n'est pas au cinéma, là. Bah oui, mais j'avais pas quoi faire. Oh, Le poulet de Paramalam, c'est bon, oh là là. Incroyable. On finit le chèque. Bon, mademoiselle, on est d'accord, vous m'avez fait le chèque, donc je le remplis. 700, ça ira. Oh chef, un peu non, mais plus. Prenez le nom, Tamara. Bon, 700 euros alors, c'est très bien. Oui, j'arrive pas à prendre le nom. Les gendarmes, on essaye, mais vous avez vu ça où? C'est le cinéma, là. Hein? Bon, si, excusez-moi, mademoiselle, si votre père veut participer, il veut mettre 100 euros de plus, il peut. Tiens. Non, non, mais attends, ne bougez pas. Bougez pas, moi, je vais voir si j'ai pas. Et non, papa. Attends, mais d'où je vais voir? Même pas peur, même pas peur. On voit que les filles. Tu sais, tu sais, tu sais. Non, mais t'as vu? Non, mais vous rigolez ou quoi, là? Il me ramène à la maison. Ah, pas peur, qu'est-ce que tu sais? Bah, tiens, je vois, je les attends à la baraque, tu vas voir. Allez, baraque, allez, baraque. C'est quoi ces gens-là? Bah, je sais pas, franchement. Ils ont l'air un peu teubés, papa. Je te jure, je suis mal. Un peu de respect, s'il vous plaît. Non, mais vous vous êtes pris pour qui? On n'est pas teubés, on est gendarmes. Non, mais attendez, excusez-moi, madame. Mais bon, il y a un moment, faut pas abuser, hein. On avait fait 700 euros, déjà, c'est un prix d'amis. Alors, si en plus vous nous insultez, on peut vite monter à 1400, hein. Bon, ça serait bien, chef, hein. Oui, bah, excusez-moi. Oui, bah, j'espère bien avoir vos excuses, hein. Parce que, en attendant, mon collègue est toujours à l'hôpital. Ah ben, quel collègue est à l'hôpital, ben, que, oui, non, mais prenez le nom, Tamara. Moi, je t'éboule, parce qu'il faut pas déconner. Là, les mecs, ils prennent du pognon, non, mais ça va, alors ils sortent n'importe qui, ils se font des fausses bastons, je ne sais quoi, ou ils se font prendre des coups dans la figure, et alors maintenant, c'est falloir payer comme ça à la sortie, non, mais... T'as vu ça où, toi? Il est lourd, hein, lui, il est lourd. Qui c'est qui est lourd? Toi, t'es lourd, mon pote. Mais ils entendent pas ce que tu dis. Il y a que moi, c'est moi qui il parle à l'autre détenu, là-bas. Non, il est lourd. Ton pote, il est où là? Je l'entends très bien. Je t'entends très bien. Et tu es lourd. Je sais pas où il est. Il est juste venu me donner un chèque. Hein? Ah, bah il est lourd. Il est pas. Bah, demande-lui son poids. Pèse combien? Comment? Pèse combien le papa là? Oh là là, bouge pas, toi, je vais te poser. Non, non, papa, viens pas. Non, mais... Si, mais attends, là, tu vas voir. Bon, oh là, il est lourd. Oh là là, ça sent gros porc, il est lourd. Allô? Allô? Allô, maman? Oui. Bobo. Maman, dis juste une blague, s'il te plaît, dis juste une blague, là. De quoi, c'est une blague? Mais maman, c'est énergie, vas-y, dis juste une blague, là. C'est une blague. Papa, c'est une blague. Ah, ouais, mais attends, si t'assumes pas ton jeu, toi aussi. Mais on connaît pas, bah oui. Mais toi, tu le connais, pourquoi tu fais des blagues? Allô? Allô? Allô, papa? Allô? Allô, papa? Allô? Allô? Bouge pas, j'arrive. Mais non, mais il va arriver là. Papa, vous avez une fille qui est qui a beaucoup la joie de vivre. Il y a beaucoup d'humour. Et qui aime s'amuser et qui est remplie d'humour. Elle tient ça de son papa, il paraît. Allô, papa? Ouais. Voilà, donc je vous présente Mickaël, l'animateur de l'émission. Alors, vous êtes en direct à la radio sur Énergie, c'était le GAV. Oh, bah c'était. Non, le GAV. Calme-toi. Ah, c'est une vengeance. Le roux n'aime pas ce mot, mais il faut l'employer, c'est un canular. Voilà, papa, apparemment tu fais souvent des blagues à ta fille, donc elle a voulu se venger, quoi. Ah, d'accord. Ah, bah voilà, pourquoi t'as l'air... Ne bougez pas les flics, j'arrive quand même. Non, oui, enfin, il y a un peu de route quand même jusqu'à Paris, hein, malgré tout. Elle est où, Tamara, là? Elle est chez elle, enfin, t'es où, Tamara? Je suis juste chez ma tante en bas de la rue. Ah, bon. Ah, t'es chez Martine? Bah oui. Tu vas voir, elle va prendre aussi Martine. Elle Martine, elle doit bien sur de la gueule. Ah bah elle va prendre aussi Martine, tu vas voir, moi je te le dis direct. Hein. Elle vous écoute quand même. Je te dis direct, elle va prendre aussi, tu vas voir. Et bon. C'est quelle radio là que vous êtes? C'est Énergie. Ah, ça existe encore, Énergie? Ah oui, ça existe encore, Énergie. Ah, celle-là était bonne. J'étais couché en plus là. Là, je m'habillais, je te jure, je déboulais en plus. Mais bon, tu racontes ta vie. On a vu que tu avais l'air un petit peu tendu, effectivement. Elle commence. Bon, Tamara. Il est où le mec d'Énergie? Il est dans le pouce. Tamara et Bernard. Ouais. On va vous offrir des cadeaux, vous retournez au standard. Et puis Bernard, par contre, comme il savait plus que ça existait, on va t'offrir des cadeaux nostalgie. Tu vas voir, t'auras gagné au change. Allez, salut vous deux. Merci. Salut, merci. À bientôt. Ciao à vous. Bye. Et si vous voulez jouer aussi au jeu AV à l'occasion, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par Énergie. Et puis vous mettez GAV ou Cocu si vous voulez jouer au chéri, je t'ai fait Cocu. Mickaël, le podcast. Bon, on va faire le mag maintenant. Et puis, tu vas dire, oui, bah le mag maintenant. Allez, bah c'est parti, on y va. En retard comme d'habitude. Allez, voici le mag de ce lundi 7 décembre 2009. L'essentiel de l'actu du jour. condensé, compacté et malaxé à notre sauce. Et puis voilà. Et puis une fois n'est pas coutume, on va parler culture dans ce mag du jour, et plus particulièrement musique avec une sortie d'album. C'est celui de Charlotte Gainsbourg. Ah ouais, on a vu la pub à la télé, ça s'appelle IRM. Voilà, exactement, les abréviations de Imagerie Radio-Médicale. En fait, elle l'a appelée comme ça à cause d'un accident qu'elle a eu. Ouais, elle a dû passer pas mal de scanners et les bip-bip là des machines, ils lui ont inspiré certaines chansons et aussi le nom de l'album d'ailleurs. On espère juste que l'opération du colon donne pas d'inspiration à Johnny Hallyday, parce que sinon on va entendre de la merde. Oh. Politique, enfin non, informatique. Enfin bon, c'est vous qui verrez. Ségolène Royal a des problèmes de réseau. Elle a tenté de se connecter au modem de François Bayrou. Oui, et malheureusement, il y a eu un souci de compatibilité. Ouais. Effectivement, du coup, elle va installer un driver et tenter de se connecter à un autre port. Ouais, mais attendez, là, avec vos sous-entendus informatiques, moi, je comprends rien du tout, en fait. Bon, de toute façon, tu comprends rien non plus quand on parle de politique, hein, donc le résultat est le même. En fait, apparemment, Ségolène Royal a reçu de l'aide pour créer un tout nouveau parti avec les communistes. Voilà, oui, le président du parti a déclaré « Je suis un PC et la gauche ». Et la gauche 7, c'est mon idée. La gauche 7, pardon. Et c'est peu avant minuit, samedi soir, que Miss France 2010 a été élue. Pour l'événement, nous avions placé nos micros chez plusieurs Français qui suivaient l'élection. Chez Christophe Brun, le patron d'une petite PME. On était plutôt contents. Hein. Miss France 2010 et Malika. Ouais. Et chez Michel Lépine, on est plus circonspect. Mouais, bof, moi, j'aime pas trop son nez. Et puis Berry Sortefeu et Eric Besson, regardez eux aussi l'émission. Hein. Ah, elle est plutôt bonne cette année. Ouais, code bleu, on est en train de le perdre. Eh ben dis donc. Les perdre. Ça leur a foutu un coup. Non, mais faut pas s'inquiéter pour Hortefeu, ça va aller. Comment tu peux en être si sûr hein? Bah, Miss France, y'en a qu'une. Et quand il y en a une, ça va. C'est qu'il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Allez, sport maintenant, natation. Ça y est, Philippe Lucas tente de mettre son équipe de natation sur pied. Ouais, il a carrément demandé à Laure Manoudou de l'aider. Eh oui, Philippe Lucas a besoin de sous et d'investisseurs pour créer son équipe. Il a donc fait appel à Laure Manoudou pour convaincre des partenaires. Ouais, pour l'instant, il n'y a que Direct Energy hein, qui y a mis des billes. Ouais, c'est pas un bon signe. Hein. Pourquoi? Bah, c'est le sponsor de l'OM. Une équipe qui coule. Alors en foot ça passe, mais en natation ça fait mauvais genre. Quoi. C'est ça. Et on passe au con du jour maintenant. Le con du jour est indien. Ouais, et il a eu une idée complètement dingue. Et bien sûr, c'est le con de Sandro Lopez. Oui. Elle est contente. Ouais, Sandro. Sandro, ton con, tu peux nous le raconter? Donc en fait, mon con s'appelle Ram Chandradas. Ah, il a un nom de merde. Bah, Chandra, Ram et Chandra, en fait. Chandra, c'est un prénom. Je devais m'appeler comme ça à la base. Ah bah, Chandra. Chandra. Oh, qu'est-ce que t'aurais pris? Ça fait putain, tôt, ça. J'aurais souffert. Qu'est-ce que t'aurais pris? Ça fait donc, portugais, quand même. Ram Chandradas, il a 53 ans et en fait, il avait peur que des voleurs lui volent son camion. Ouais. Parce qu'il pouvait pas le garer devant chez lui à cause d'une montagne qui le séparait du parking du village. En fait. Normal. Déjà les problèmes de merde. Déjà dans la vie c'est des problèmes d'Indien. Voilà, c'est ça. Ouais. Je peux pas me garer là parce qu'il y a un vélo, parce qu'il y a un poteau, parce qu'il y a des travaux. Non, il y a une montagne. Eh ouais, c'est ça la vie. Voilà. En Inde c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Et ouais. Donc comme mon con est un mec très courageux, il a décidé de prendre les choses en main. Et avec son burin et son marteau, il a décidé de creuser la montagne. Mais oui, oh là là, mais oui, c'est tellement simple. Trois siècles plus tard, il y est arrivé. Hein. Et ben il a réussi au bout de 14 ans de travail. Ah, j'étais pas loin. Et maintenant il peut garer sa voiture devant chez lui. Il a aussi permis aux villageois de Billard, parce que c'est le nom du village, ouais, de rejoindre leur ferme en empruntant le tunnel, parce qu'avant il devait faire un détour de plusieurs kilomètres quand même. Donc pour info, le tunnel il mesure 10 mètres de long et 4 mètres de large. C'est donc bien, c'est un con, mais un con utile. C'est vrai. Et d'ailleurs il a malin, ouais. Et là, il s'est dit, oh, j'ai une... je sais pas faire l'accent ni la langue indienne. C'est génial, je vais mettre un péage. Et le mec, voilà. Et là, il ce est sera venu un con intelligent. Et la langue indienne, qui est le tamoul. Voilà, oui, oui, mais enfin bon. J'adore ça, avec les petits raisins secs là. T'adores tamoul, ouais. Bon, allez, passons maintenant au truc du jour ce soir. Soyez gentil et généreux, ça peut vous servir de n'importe quel sortir, pardon, de n'importe quelle emmerde. Bon, ça fait un peu nul de dire ça, mais Mohamed Sohail a récolté ce qu'il avait semé, c'est-à-dire de la gentillesse. Mohamed est gérant d'une épicerie. Elle à New super, York, cette histoire. Un braqueur rentre dans son épicerie et lui demande la caisse. Alors il explique à notre épicier que c'est pour nourrir sa famille qu'il fait ça. Donc Mohamed Sohail, plutôt que d'appeler les flics, préfère raisonner le voleur. Il lui donne du pain et de l'argent. Quelques mois plus tard, le braqueur lui envoie un courrier d'excuses. Il explique avoir commencé une nouvelle vie, stable et honnête. Et le braqueur, devenu honnête, a remboursé donc sa dette avec les intérêts. Et donc qui a dit que l'honnêteté ne payait pas. Hein, ouais, mais c'est beau. Hein, ça, alors ça soyez me donne gentil. Envie de pleurer. Oui, soyez gentil. Si c'est vrai, généreux. Ça m'a pris là à l'estomac. C'est vrai, ça, oh, elle va pleurer, fin, dis donc. Ah, mais moi je chiale pour rien, donc. Ouais. Elle va pleurer, c'est un drame. Non, non, quand même pas, mais ça m'a fait un. Bah, c'est une sympa. Boule. Qu'on lui mette Titanic. Elle si va tu mets les maçons du cœur, c'est bon. Hein. Les quoi? Les maçons du cœur. Si je suis ça, c'est horrible. Cette émission, franchement, moi j'aime beaucoup parce qu'ils font des intérieurs de bâtards. Ils font des maisons de ouf et tout, c'est archi beau et c'est pas déco. Ah, mais alors elle, putain. Ah ouais, toutes les et puis secondes, en plus hein. Les Américains au niveau du pathos ils sont assez oui, forts. Et ils vont trouver souvent. En fait, en fait c'est comme une semaine pour tout changer, mais en version américaine. Hein, donc voilà, en 10 fois mieux. Et donc ils vont quand même chercher les mecs qui sont mais. C'est difficile d'être plus dans la merde qu'il y a dans cette émission quand même. Attends, il y avait une famille, ils étaient 5. Le père, il était. Le dernier là c'est un non, prêtre. Non, non. Le père était muet. Ah oui. Oh, la mère était sourde. Ouais. Le ils avaient un fils autiste. Ouais. Un fils aveugle. Il y en avait un qui allait bien. C'est bien déjà. Mais il gérait quasi toute la famille d'ailleurs. Et il gérait toute la famille. Mais vous te dis, wow. Il avait 6 ans. Non, non. Bah, il était jeune, ouais. Il avait 15 ans. Hein. Oui, il devait avoir 15 ans. Ouais. Tu te dis, putain, là. Ouais, non, mais c'est vrai. Et du là, coup, tu peux pas le plaindre. Et du coup, Sandro pleure. Ah bah ouais. Bah, non, mais c'est fait pour. Hein, c'est fait pour. Ils savent comment tourner les choses aussi. Ils le font bien, quoi. Moi, j'étais tombé sur un. T'avais la tornade qui était passée au milieu de la maison. T'avais la maison coupée en deux. Et du coup, ils vivaient dans une caravane au milieu du jardin. Ah, quelle horreur. Moi, je crois que j'ai pleuré pendant Avatar un peu. Bon, allez. Ah, le bouffon. Ah ouais, moi, les ah ouais, les alors, films, ça marche trop bien. Toi, t'es pire que moi, là, déjà. Ah ouais, les films. Mais que les films, moi. Ah si, c'est vrai, j'ai une petite larme. Ah. Je sais plus à quel moment. Non, donnez pas trop d'infos. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle conne. Que le film n'est pas ça, n'est pas ça. Bon, allez, passons au quiz maintenant. Qui a dit nous voulons que ce programme soit un commencement dans une nouvelle ère du voyage spatial? Nous, on répète. Richard Branson, effectivement. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire parce qu'il y avait Charles Branson qui existe aussi. Ouais, non, ouais, Richard. Bah non, c'est celui qui a lancé Virgin dans la galactique. Non, c'est un tueur en série. À propos de son vaisseau spatial Spaceship 2, conçu par la société Virgin Galactic, ce vaisseau a été créé pour emmener des touristes dans l'espace à partir de 2011. Si vous cherchez un cadeau pour mon anniversaire 2011, $50,000. Ouais, réfléchir. C'est ce que je dis. Si vous cherchez un cadeau pour moi, n'hésitez pas, surtout. Hein. Je veux bien participer hein, à hauteur de 50 ou 60 euros. Mais la banque va nous refuser le crédit, Mike, de toute façon. Oh, mais ouais, non, oui. mais non. Ouais, bon, qui a dit si vous êtes un gars bien jeune et en bonne santé, la notion d'infidélité est normale. Le mariage est juste une commodité. C'est très bien pour élever des enfants, mais l'idée que la monogamie est éternelle est utopique. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Tu vas trop vite. Hein. Eric Zemmour. Non. Moi, je peux pas réfléchir à cette phrase. Hein. Non, Dieudonné, il aurait été plus virulent. Trop vite. Non, c'est ça, c'est un mec qui trompe ses meufs. Ça aurait pu être moi, mais non. Non, c'est un quiz. En général, il y a des people. Tu peux ouais, répéter c'est la ça. Phrase. Si vous êtes un gars bien, jeune et en bonne santé, la notion d'infidélité est normale. Stop. Faut analyser ça déjà. Le mariage est juste une commodité. C'est très bien pour élever des enfants, mais l'idée que la monogamie est éternelle est utopique. Georges Clooney. L'indice, c'est quoi? Elle donne l'indice là. Lapin. Bugs Bunny? Non. Lapin. C'est dingue, il avait fait la même connerie, faut passer. Lapin. Ouais, Hugh Hefner. Hugh Hefner, allez, quand même. Le patron de Playboy qui a décidé de prendre la défense de Tiger Woods. Et puis enfin le dernier, qui a dit un lion blessé est un lion qui griffe rapidement? Claude Puel? Non. Non, c'est un commentateur de foot? Non. Ça va avec le foot? Simba? C'est Lyon. C'est Lyon le club de foot? C'est Lyon le club de foot. Bernard Lacombe répond et à moi il m'a pas répondu. Ah pardon, excuse-moi. Hugo Lloris? Non. Son président là. Lisandro Lopez. Jean-Michel Aulas. Ah, c'est quoi l'équipe des Lyons? Je viens de le dire. Jean-Michel Aulas après. Bah oui, mais bon, c'est bon. Non, c'est moi qui l'ai président de Lyon. Le président de Lyon. Ah non, j'ai dit Claude Puel, pardon. Voilà. Jean-Michel Aulas après le match à Lille où Lyon a perdu 4-3. 4-3, ouais. Ça fait mal au cul, hein. Ça fait mal au cul. Bon, on parlera de foot aussi tout à l'heure avec la Rousse. J'ai enfin les vrais primes qu'ont touché les joueurs de l'équipe de France. Parfait. Bon, on en parlera dans un petit instant. Bouge pas de là. Et non, retour pour du pour tout le délire de l'équipe de France pour la qualification. D'accord. Retour, bien évidemment, du Mac du jour à l'autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, on parlera foot dans quelques instants. Avant ça, on termine avec Sylvain, 42 ans, là, qui voulait réagir sur l'écologie. On en avait parlé au début de l'émission. Puisque c'est le sommet de Copenhague, comme dit l'euro, avec notamment les États-Unis qui participeront enfin, hein, non pas comme à Kyoto, puisque là, ils ont l'air d'être motivés à réduire leurs polluants. Bon, on va voir, on espère en tout cas. Et Sylvain qui voulait donner son avis. Salut Sylvain. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, en fait, moi je voulais revenir sur une petite phrase assassine que tu as sortie en début d'émission. Vas-y. C'était, elle va démarrer son gros semi-remorque et elle va polluer la planète. Ouais. Qui a dit ça? Voilà. Il s'avère que les gens ne savent pas que 85% du parc routier des camions sont équipés d'un système qu'on appelle le Blue Trek. Ouais, t'es routier toi? Ouais. Non. Mais c'est bien, je le savais pas, donc vas-y, explique-nous, il y a quoi? Alors, le Blue Trek, en fait, c'est un système d'additifs qu'on met à notre gasoil, ouais, avec un réservoir supplémentaire. D'accord. Et dans lequel on met de l'AdBlue qui est faite à base d'urine de bœuf. Ah, c'est ça. Tu sais que j'ai été faire le plein à une pompe à essence tout à l'heure, et j'ai vu une pompe avec marqué AdBlue. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Ah, c'est donc, ça, c'est de l'urine de bœuf, hein. Ouais, c'est fait à base d'urine de bœuf, mais ça réduit de 70% les émanations. Putain, c'est fort. Des pots d'échappement. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'effectivement il fallait le rectifier, n'empêche que les camions américains ils tournent à l'essence. Donc, ouais, les camions américains, ouais. On parle des américains étant les plus gros pollueurs, on va pas parler d'eux, je parle en Europe. D'accord, parce que l'euro, si jamais ça se vend, il peut vendre sa pisse, hein, si ça peut en plus pour le bien-être de la planète. Ça veut dire qu'il faudrait. Pisse dans le réservoir. Faut dresser les on dit les bœufs. Les bœufs, oui. Faut dresser les bœufs pour qu'ils pissent dans un tube, dans un. On peut dire les bouffons aussi. On dit les taureaux. Dans un tonneau. Dans un tonneau. En fait, c'est un système suédois. C'est quoi? C'est les Suédois qui ont mis ça, mis ça sur le marché. Oui, mais donc, ils mettent pas un tuyau à la quiquette de chaque bœuf quand même. Non, mais tu récupères. Non, ils récupèrent l'urine, ils en font un produit. Enfin, c'est un produit qui est corrosif en plus, mais qui est injecté à la sortie des pots d'échappement des poids lourds et qui brûle 70% des émanations d'azote. C'est fort. Et alors, une question con, mais pourquoi ils mettent pas ça aux voitures? Alors, la question est bien posée. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mon camion, il pollue moins que ta voiture. C'est normal. D'accord, mais je savais pas. Hein. Si tu commences à utiliser l'urine de bœuf pour les... Enfin, de bœuf pour les... Mais pour les voitures, au bout d'un moment... Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui disent, ouais, les camionneurs, ils polluent la planète. C'est pas vrai. Oui, bah moins maintenant, mais bon, le AdBlue, là, le AdBlue, si tu veux, j'ai vu ça pour la première fois aujourd'hui, donc c'est pas non plus généralisé. Hein, j'ai vu un reportage aussi où pour remplacer l'essence, ils avaient fait c'est de l'huile. Colza. Ouais, non, végétale. Ça fonctionne dans les voitures. Il y a les voitures. Dans n'importe quelle voiture. Ouais. L'huile de colza. Ah, c'est ça? Ah, alors, je pensais que tu te foutais de ma gueule. Non, problème. En fait, il y a des voitures qui faut adapter ton moteur ou je sais pas quoi, mais il y a des voitures qui sont adaptées à ça, quoi. Juste le seul problème, c'est que, effectivement, ça pollue moins quand tu le à consommer, mais à fabriquer en fait ça pollue presque. Tu vas avoir des champs, et puis il va avoir un problème de pénurie et tout, c'est ça. Mais cela dit, pour en revenir à l'AdBlue, c'est quand même beaucoup plus joli sur la station essence AdBlue que pisse de bœuf. Oui, bah c'est. Mais t'as remarqué de bœuf ou de taureau? Ah, je sais plus, Sylvain, c'est bœuf ou taureau? C'est du bœuf. Ah, okay. Pisse de bœuf. Mais t'imagines s'ils appliquent ça aux voitures, comment ça va être compliqué? C'est-à-dire qu'il va falloir traquer tous les bœufs. Tu vas les suivre. Récupérer leurs trucs et surtout, tout. Et surtout, t'as les petits malins qui vont aller eux-mêmes sous le... Mais surtout qu'ils vont créer des bœufs pour ça. Hein. Ah oui. Ah bah bien sûr. Et puis ils vont péter et ça va polluer. Être la merde. Au final, c'est ça. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que le cheptel de vaches, de bœufs et tout du monde, en fait, pollue plus que les transports. C'est vrai aussi. Oui, sauf que c'est nous qui les avons créés, ces bœufs, pour les manger. Ouais. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Mais en plus, il faut savoir, l'huile de colza... Sandro, si t'as un véhicule diesel, t'achètes de l'huile de colza en grande surface, tu la mets directement dans le. Non, pas direct dedans, il y a une adaptation. Il paraît qu'il faut pas faire ça parce que ça peut niquer ton moteur. Ça fonctionne. Non, mais tu dois mettre. Franchement, je prendrais pas le risque, je suis désolé de pas te faire confiance. Mais attends, mais juste un truc. Parce que sinon, tout le monde va y aller acheter de l'huile de colza. Ah, ouais, d'accord. C'est interdit en France. Sylvain, tu dois mettre de l'huile de colza, mais aussi tu mets du diesel en plus, c'est que ça. Non, mais dans un moteur diesel, tu peux ne mettre que l'huile. Ouais, c'est ça va fonctionner. Mais alors, c'est combien au litre? De quoi? Bah, l'huile de colza, quoi. Après, t'achètes ça au bidon, ça te vaut moins cher. Après, pour les véhicules, je sais pas, mais pour le moment, de toute manière, c'est interdit en France, donc. Oui, mais enfin bon. Comment tu sais que ça marche? T'as essayé? Moi, j'ai essayé dans la mienne déjà. Ah, t'as pas peur, hein? Et comme je suis pas loin de la région toulousaine, il y a eu un reportage qui a eu lieu il y a pas longtemps sur un fabricant dans le Lauragais qui fabrique sa propre huile de colza. Ouais, j'ai dû voir ça. Et pour les élections, il fait tourner tous ses véhicules à l'huile de colza. Dernières élections, en fait, Bayrou, il avait un bus qui faisait le tour de France et en fait, il marchait à l'huile de colza. D'accord, ok. Et c'est pas interdit en France. Il a pas gagné. Hein. Ça, c'est beau. Non, il a pas gagné à cause de ça. D'accord, ok. Bon, bah Sylvain, merci à toi en tout cas pour la petite info. On va on va essayer avec la. Ouais, juste pour voir que ça marche. Avec ta voiture, Tof. Prends celle de Polo. Non, ça va, un diesel. Oui, bah oui, c'est un diesel. Ouais, bah, en tout cas, si tu fais des frites dans ta voiture après. Ouais, si ça noie le moteur, elle est foutue. Hein. Michael, le podcast. Oh, lâche le téléphone immédiatement. Tricheuse. Je pense qu'il y a soudoyage. Ouais. Non mais ça fait trois fois qu'elle appelle Pablo pour essayer d'avoir les réponses. Mais pas du tout. Je suis très curieux de savoir si ça existe ce mot. Soudoyer ? Soudoyage ? Non, ça n'existe pas. Ah d'accord. Oh. Quoi ? Je dis lâche le téléphone et retourne-le. Voilà. Retourne-le. Il est lâché. Donne-le-moi. Il est lâché. Retourne-le au lieu de... Voilà, retourne-le. Voilà. T'es content ? Oui, je suis très content. Micha, je veux pas jouer au QPR ce soir. Parce qu'elle n'a pas eu la réponse. Nadia a décidé de jouer avec toi. Salut Nadia. Salut. Je suis sûr qu'elle a triché. Mais non. Ça va Nadia? Ça va et toi? Comment vous allez? Comment va Sandro? Salut Nadia. Salut Nadia. Ça va, Sandro est en forme, elle vient de tricher. Elle est Nadia, change. Non, non, trop tard. Change. Cécilia qui est de l'autre côté. Fais-moi confiance, change. Cécilia, 18 ans, comment ça va Cécilia? Ça va, ça va. Bon, bienvenue à toi Cécilia, tu as décidé de jouer avec qui? Avec Jack. Très bien, nous allons maintenant jouer à question pour une... Attends, on sait pas avec qui elle joue. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà. Okay. Sandro, le téléphone de l'autre côté. C'est payé au long des fois, tu dis voilà ou... Non, non, c'est juste que... Loin. Mets-le vers chez Toff. Non, pas Toff. Bon, mets-le. Et mets la bouteille dessus. Ça, je suis sûr qu'il y a pas. Tu pourras pas le glisser bêtement, tu vois. Parfait. Oh. Allez, attention. On va jouer. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts. Oui. Très bien. Attention, Cécilia joue avec Jack. Oui. Nadia joue avec Sandro. Oui. Top première réponse. Je suis né le 27 mars 1970. Question. À Long Island, dans l'état de New York, et je suis une chanteuse de pop américaine. Sandro. Oui. 70. Mauvaise réponse. Ainsi qu'une rire. Et tu crois pas qu'au lieu de. T'aurais dû proposer une réponse et dire 70. Cécilia. Madonna. Mauvaise réponse. Et une actrice de cinéma, auteur-compositeur de la plupart de mes chansons. Je suis, selon le magazine Billboard, l'interprète la plus populaire des années 90 aux États-Unis. J'ai vendu plus de 60 millions d'albums. Nadia. Maria Carré. C'est Maria Carré. Comment il s'est fait gris. Quel connard de Micha là. C'est-à-dire que Micha il a levé une page avec le truc qui était écrit au moment où Jack regardait. Il fait semblant de chasser une mousse. Sandro. Nadia, bonne réponse. Excellent Nadia. Bravo. Et près de 30 millions de singles à travers le monde. Je m'essaie dans le cinéma et je fais des films de merde tels que Glitter ou encore The Bachelor qui n'auront rien apporté. Mais c'est avec ma musique que je deviens millionnaire, avec des tubes comme My Old Butterfly ou encore I Still Believe ou même encore le dernier en date, Obsessed, chanson où elle crache sur Eminem. Je suis marié avec le chanteur Nick Cannon, grand héritier des appareils photo. Je suis certes marié mais je reste toujours carré, même si certains diront que je suis rond. C'est Nick Cannon des Backstreet Boys? Non, c'est pas lui. Carter, celui c'est des Carter, Carter. Exact, c'est ça. Deuxième question, vous êtes prêts? Prête, allez Nadia. Oui. Attention. Allez, je te sens bien là. Allez, top. Mon terme vient d'un nom vernaculaire. Je suis vert de forme bizarre et mon aspect a fait qu'on appelle les plongeurs sous-marins comme moi. Je suis également parfois Jacques grenouille. Bonne réponse. Parfois présent dans des phénomènes étranges. Allez, comme Nadia. Les pluies d'eau. Dans les contes, les princes ou encore les princesses s'étaient changés en moi à cause du sortilège lancé par les sorciers. Et la seule solution pour parer ce sort dégueulasse était de les embrasser. Les Français adorent mon corps et plus particulièrement mes cuisses. D'ailleurs, c'est à cause de moi que les Anglais appellent les Français les froggy ou encore frog, qui n'est autre que ma signification en anglais. Je suis donc une grenouille. Troisième et dernière question, vous êtes prêts? Ouais. C'est bon, te la ramène pas. Hein. C'est chaud là. Un partout, attention. Allez Sandro. C'est dur Nadia. Top, je suis composé de près d'un milliard d'habitants selon Polo et plus de 7 millions selon Wikipédia. Oui. End. Non. Sans et nom. Je suis la cinquième. Oh. La cinquième, vas-y, finis ta phrase. Je t'en prie, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. La planète. Un million. 100 millions, ça, un milliard sur la planète. Tais-toi, Sandro. Trop tard. Et la cinquième aire urbaine d'Europe après Moscou. Nadia. La Chine, mais non. Non. Jack. Jack, Sandro. La Thaïlande? Non, Jack. Paris. Non. Après Moscou, Paris, Londres et Istanbul, je suis créé par les... T'as dit un milliard? Oui, je suis créé par les... Sandro. On dit Subre, oui. Le Japon. Non, qui est une tribu autochtone qui faisait partie... Par les quoi? Créé par les quoi? Préhistorique de la culture... Non, mais créé par les quoi? Quoi? T'as pas dit créé par les quoi? Mais si, j'ai dit, je sais pas comment on dit exactement... Oui, c'est bien ce que je dis. Une Subre ou un Subre ou une Soubresse. Sandro. Quoi? Les Indiens d'Amérique. Les cuisiniers de chez moi ont inventé Tu te fous de ma gueule ou quoi en haut? Eh ben tu payes à bouffer après. Attends, j'explique. Attends, je me suis écrasé le nez. Je me suis écrasé le nez. Tu payes à bouffer après, c'est pas négociable. Je me suis écrasé le nez. Et toi, tu me dis quoi? Les Indiens d'Amérique. Mais non, tu t'es écrasé le nez après que j'ai dit ça. Voilà, bon bref. Les cuisiniers de chez moi ont inventé bon nombre de recettes comme le risotto et l'escalope. Ouais, l'Italie. Putain. Non, Nadia. La dinde. Non. Vous l'aurez compris, je suis situé. Rome. Non, au nord de l'Italie. C'est la capitale de la région. Venise. Non. Sandro. Jack. Sandro. Jack. Florence. Sandro. Non. La Sandro. La Sicile. Oui, mais c'est pas une capitale. C'est en Italie, la Sicile. Mais c'est pas une ville. Nadia. Nadia. Cécilia. Turin. Cécilia. Thaïlande. Non. C'est pas Turin. Hein. Mais de beaucoup d'autres choses en effet. Attends, je suis... De quelle région c'est la capitale, c'est le chef-lieu? Cécilia. Cécilia. Parce que je suis... Sandro. Non, il y a triche. Là, il y a triche. La Lombardie, sans doute. La Grèce. Mais non. Milan. Non. Milan, bonne réponse. Oui, trop bien. Je l'ai dit tout à l'heure. Je te jure que j'ai dit Milan. Putain, alors qu'il y a tricherie. J'ai dit Milan. Oh là là. Je là l'ai là dit là tout à l'heure. Eh, hey, Micha, dégage la pige. T'es très con. T'es mais très c'est con. Pas méchant, parce que la Grèce, non, c'est pas l'Italie. Et c'est pas le nord de l'Italie, encore en plus. Je peux supposer, oui. Franchement, donc, non mais ouais, Mike, sérieux, je l'ai dit tout à l'heure, je te jure. Victoire. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Une erreur d'arbitrage. Mais non, ça se fait pas pour Nadia, putain. C'est la main c'est de Jack. Les gars, oh, j'aimerais bien l'entendre, moi, si t'as dit Milan. Regarde. Je te jure, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Milan. Alors, oui, je vais réécouter. Je ne crois pas. Mais si, je l'ai dit. Bah, alors, ok. Écoutez. Si on réécoute. Et d'habitude, tu n'as pas dit Milan, tu payes à bouffer tout le monde. Ah non, non, c'est Jack qui a gagné. Je vais gagner les deux. Si on réécoute et qu'elle a pas 10 000 ans, elle paye à bouffer, elle remet le corset. Ah mais pour, alors, elle peut essayer de payer à bouffer ce soir, sa carte va pas passer, c'est pour ça qu'elle dit oui. Non mais si c'est pas ce soir, c'est demain, c'est pas grave, on n'est pas non plus à 5 minutes. Hein. C'est sûr, je crois qu'on peut faire marche arrière. Paye à manger à qui? Déjà à moi. Déjà à moi je aussi. Franchement, Sandro, à je vous crois trois, que d'accord. Je crois que tu l'as pas dit. Franchement, non, mais je paye à manger à vous trois. On s'est mis, voilà, mais... j'ai demandé à qui, vous avez dit tous les trois, maintenant je paierai pas aux autres. Très bien. Je d'accord. C'est, par contre, à McDo. Non, quick. Un quick, parfait. Très bien. Cécilia et Nadia, non, tu... non. Ne oui, bougez reviens pas. En arrière, reviens en arrière. Non, non, non, non, attends, mais tu fais gagner Nadia quand même. Oui, oui, oui, si tu l'as dit, bien sûr. Non, ah bah non, bah non. Ah si tu l'as dit, ah bah non, tu l'as pas dit qu'elle intéresse. Mais je suis pas une teubée non plus, je sais que je l'ai pas dit. Mais c'est quoi ce truc? Ah, si bah, tu... je préfère vous payer à manger et que Nadia gagne. Parfait, donc nous avons gagné à bouffer, Toff te casse pas la tête et Nadia a perdu. Ah bah non, alors là, tu le mets bien profond. Enfin, c'est incroyable. Je le mets profond, c'était pas ça le deal. Mais le deal, c'est que Sandro nous paye à manger pour que Nadia gagne. Attends, voilà, juste un détail. Juste un détail, après on va pas y passer la nuit. Donc ça veut dire que là, t'es en train de perdre menti, de l'argent. Non. T'es en train de dire qu'on verra pas le corset. C'est pas ça. Si, t'inquiète pas, je vais le remettre. Qu'est-ce que tu crois? T'es en train de perdre de l'argent ou tu vas quand même nous payer à bouffer dans le but de faire gagner Nadia. Ça me fait plaisir d'aller manger avec mon équipe, ouais. Ouais, avec mon possi, t'as vu? Ça fait plaisir d'aller manger, tu pouvais arrêter ta phrase là. Bon, allez, d'accord, Cécilia et Nadia, vous gagnez tous les deux. Ah, hein. C'est vendu. T'es vraiment. J'en étais sûr. Quoi? Ah, putain, mais Sandra a très bien compris comment marcher un homme. C'est Nadia qui t'avait. La prochaine fois, quand je vous dis, me prenez pas, hein, parce que je vous fais perdre après. Voilà, donc, Cécilia. Oui. Cécilia, tu repars avec qu'est-ce qu'on va te filer? Tu repars avec un disque dur multimédia enregistreur TNT. Ouais. Et Nadia, tu repars avec une escroc. Non non non, arrête mec. Non non non. Passe une bonne soirée. Non ici. Non, je paye pas à bouffer. Hey. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est incroyable. Bah, une compile, ça va hein. Allez, deux compiles. Non. Nadia, non, tu as gagné. Non. Qu'est-ce qu'il y a Nadia? Ben, on a gagné tous les deux. Oui. Je veux dire. Et alors? Donc, merci Nadia. Un beau cadeau pour les deux. Non, mais une compil, c'est un cadeau, hein. En plus, j'écoute ta web radio. Ah, tu vois? Elle n'existe pas. J'aimerais bien savoir comment. Elle n'existe pas, la web. Comment tu fais pour écouter ma web radio? Elle marche pas encore. Sur Mickaël.fr. Bah non, c'est pas possible. C'est comme ça qu'elle écoute, elle. C'est ça qu'elle voulait dire. Quelle menteuse. Oui. Non. Cécilia, oui, tu voulais t'exprimer. Oui, je voulais faire une dédicace. Hein? Vas-y. Faire une dédicace? Ouais. Non, maintenant. Alors. C'est une dédicace à ma cousine, à Christelle, Angel et toutes les personnes qui sont sur le chat de Mickaël.fm. Très bien, bon ben gros bisous. Et moi, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y. Dédicace à Sac et Sac de Boutonnet, à Ombre, à Akima qui doit m'écouter et à tout Montpellier. D'accord, ben, le message est passé aussi Nadia, je te fais des gros bisous. Salut Nadia. Et puis va vous retourner au standard et puis on rejoue aux questions pour une réponse demain dès 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Bon, on va parler foot vite fait et puis si on a le temps, Monsieur X. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La défaite parisienne, il faut en parler. Il faut commencer. Excuse-moi, je me permets de te couper. Je pense que l'info du week-end, c'est quand même la victoire de Grenoble. Voilà. Ils ont gagné? Oui, Grenoble a gagné 1-0 contre les Toulousains. Eh oui. Je savais même pas qu'ils avaient une équipe, Grenoble. Les mecs, je les ai vus à la télé, ils faisaient la fête. Un bah, tu m'étonnes. C'est normal. 8 mois qu'ils n'avaient pas gagné. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait en tout, ils ont fait 15 matchs, ils ont gagné un match. C'est déjà pas mal. Hein. C'est ledge, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est enfin, ils ont quand même, ils ont, si je ne m'abuse, 5 ou 6 points, je crois, maintenant. 6 points. Oh là là. Ouais, mais, et attention, parce que c'est peut-être 3 nuls, 3 nuls et une victoire. C'est peut-être le truc qui les a débloqués, là, tu vas voir, ils vont remonter en tête du classement. Non, c'est je pense qu'il fallait pas être l'équipe qui perdait son premier match contre Grenoble. Mais c'est ce que disait l'entraîneur de Grenoble. Il disait, bon, je veux bien faire 11 défaites si derrière je fais tout le reste que de victoire. Ouais. Je pense que ça n'arrivera pas. Non. Ouais. Bon, enfin, je leur souhaite, hein, mais bon. Enfin bref, on va pas parler 107 ans de la Ligue 1. Les résultats ont déjà été donnés un peu partout. Et c'est dommage. Bah, Bordeaux, voilà, si tu veux que je le dise, Bordeaux a gagné difficilement, mais a gagné contre le Paris Saint-Germain 1-0. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien d'avoir des vrais matchs de foot ou t'as 4-3 à la fin du match. Mais attends, apparemment Paris a bien joué. Moi, j'ai pas vu tout le match, mais Paris apparemment. Parce que Leroux n'est plus supporter, il ne regarde plus les matchs. Si, mais j'essaie de jouer le mec illégal. Je suis allé sur les sites, là, internet et tout. Et en fait, maintenant, pour être pirate, il faut être professionnel du site. Non, il faut être professionnel pirate. Il faut avoir un compte pro pour pirater le site. Ah, c'est parce que t'avais pas l'image, t'as pas regardé. J'avais l'image, mais en fait, toutes les 5 secondes, ouais, elle se coupait. Donc, fallait que je rafraîchisse la page toutes les 5 secondes. Un compte premium. Et voilà. C'est ce qu'il a fait, hein. Toutes les 5 secondes, j'ai rafraîchi. Mais c'est super relou. Alors que vous m'auriez demandé. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais bon. Bon, juste féliciter APAM. APAM, c'est Niçois qui nous a fait une Zidane. En fait, c'est un défenseur niçois qui s'est un peu trop fait embrouiller pendant tout le match par le Marseillais Gabriel Enze. Il s'est pas pris la tête, il allait lui mettre un coup de tête. Un bon coup de tête. Un bon coup de boule, il s'est fait sortir et l'équipe de Nice a évidemment perdu 3-1 derrière parce qu'il joue à 10. Sinon, les autres infos, c'est le ballon de plomb. Ah. Le contraire du ballon d'or. C'est ça, celui qui est le plus mauvais. Quoi. Ah. Un titre pour ce grand club. Le PSG. Donc le ballon de plomb, c'est ça récompense le pire joueur de foot de l'année 2009. Et à votre avis, qui a gagné? Un joueur de Paris. L'équipe. Un joueur de Paris, oui. Ah, Paris il a gagné un titre. Il a gagné le ballon de plomb. Voilà, c'est-à-dire. Ah bah c'est Makelele. Non. Ils vont pas savoir. Il est plus à Paris maintenant. Ah, Rotten. C'est celui qui avait des petites embrouilles, genre je balance mon maillot. Non. Non, c'est un joueur de cette année quand même qui a commencé l'année quoi. Attends, mais je les connais pas ceux-là. C'est le pire joueur. Bah, Paul Eta, le pire joueur, le ballon de plomb. Ah bah je sais pas moi. C'est celui qui avait jeté son maillot du Paris Saint-Germain sur la pelouse du parc en plein quand il sortait d'un. C'est celui que vous aviez acheté une fortune là. Non, il avait un salaire de fortune. Ouais. Enfin bon, de toute façon avec tu l'achètes 3 francs ce mec là, c'est déjà une fortune. C'est gros avec le brun là. Exactement. Il s'appelle Matteo Kesman. Ah non, moi c'était pas lui. Kesman, oui. Il est à Saint-Pétersbourg. Le deuxième c'est l'ancien Lyonnais. Il doit être content à Saint-Pétersbourg d'avoir pris un joueur avec. Je sais pas s'il joue là-bas. Il fait quoi, catastrophe à Paris. Bah, il est peut-être sur le banc quand même à Paris. Ah, le deuxième c'est Kader Keita, l'ancien Lyonnais qui est maintenant à Galatasaray. En troisième c'est Nicolas Dieuze qui était au Havre, qui est descendu en Ligue 2 et qui est maintenant à Grenoble. Il y a beaucoup de Français dans ce classement. Ivan Klasnic qui était l'ancien Nantais. Il y a quand même Luigi Pieroni. Le Belge. Ouais, mais il est dixième. Ouais, bah oui, bah, dixième quand même. Qui est-ce qu'il y a sinon que vous connaissez personne. Voilà. Et franchement, même pour rire, j'aurais pas donné un trophée moi à Kesman. Mais juste c'est qui donne ça en fait? C'est les cahiers du football. D'accord. Un magazine de foot et d'eau fraîche. C'est vrai. C'est leur slogan. C'est un super magazine. Un bon magazine. C'est très drôle. Pas aussi bon que ce foot, mais c'est un bon magazine. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parlons des Bleus 5 minutes, puisque j'ai les primes qu'ont touché les Bleus. En moins de 5 minutes. Hein. Alors, si jamais un joueur, voilà, je donne les tarifs. Si jamais un joueur a été convoqué pour un match de qualif, je dis pas qu'il a joué. Je dis pas qu'il était sur le banc. Je dis qu'il a été convoqué. Donc il est allé à Clairefontaine, c'est tout. Ah, il convoque des joueurs, mais Il en convoque, je crois, 28, et t'en as déjà 6 qui sont en tribune et qui joueront pas le match. Pour aller plus loin que ça, parfois le club dit non, tel joueur est blessé, l'équipe de France dit non, mais si, faites-le venir quand même. Alors que tout le monde sait, enfin, le club sait déjà qu'il jouera pas, mais ils le font venir quand même. Là, il est payé déjà. Donc il touche 10 000 euros. Ah, c'est pour ça que les joueurs ils sont dans les tribunes des fois, c'est absolument pas pour venir mater le match, ils viennent prendre leur paye quoi. Non, pas tout le temps en fait. Par exemple, quand t'as toujours un groupe de 28 joueurs, il y en a que 17 en Ligue 1 par exemple qui sont. Non, 11, 18 en Ligue 1 qui sont sélectionnés. Il y en a certains où l'entraîneur dit bah viens pas, ça sert à rien. Ça devient compliqué. Et les autres leur disent bah vous jouerez pas, mais elle est en tribune. D'accord. Bon, c'est ceux qui sont écartés parce que c'est ceux qui ont le moins bien joué pendant la semaine. Leur filer leur soirée. Bah non, attends, ils doivent. Non mais si, ils font ce qu'ils veulent, mais normalement tu restes au match, tu viens avec ton équipe. Donc voilà, donc ces mecs là ils touchent 10 000 euros. Donc là tout le monde se dit c'est tout, c'est pas énorme. Et ben en fait. Après, en tribune, si c'est énorme. Ouais, c'est déjà pas mal pour s'asseoir et regarder un match. Mais il faut rajouter l'intéressement. Et l'intéressement, l'intéressement c'est en fonction du nombre de sélections. Donc c'est à dire que le mec qui il prend, tout le monde prend 10 000 euros de base, mais un Thierry Henry qui a énormément de sélections. Ah oui d'accord. Et ben on prend en plus prendre un intéressement. C'est l'ancienneté. Et voilà c'est ça. Ouais c'est l'ancienneté. Ça. Ouais. Et là on est plus du tout dans les mêmes tarifs parce que là on est entre 100 et 240 000 euros. Mais non mais tout cet argent qui, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est du gaspillage quoi. En plus de leur salaire tout ça. C'est ce qui veut dire que Thierry Henry concrètement pour le match contre l'Irlande, il a touché 10 000 euros. L'aide d'impôt. Par contre, depuis les 10 ans qu'il est en France, 240 000. Je sais pas si ces primes-là sont non, je pense pas, aide d'impôt. Je pense pas. Et non, Domènech... Franchement, j'espère pas, parce que ce serait gonflé quand même. Et Domènech devrait à peu près toucher, il a à peu près touché le double. C'est-à-dire, il doit être en, entre 400 et 500 000 euros. Ah oui, donc il n'était pas loin des 800 000 annoncés. Ouais, il est à la moitié. Il a dit 862. Il a dit c'est même pas à la moitié. Mais alors, il faut préciser que ce qui s'est passé, c'est que la Fédération Française de Football a décidé de sortir les chiffres parce que dans la presse, on disait de la merde. Voilà, voilà. Donc il est des vrais chiffres. N'importe quoi. Oui, histoire de... Tout ce d'oseille. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que voilà, ça fait beaucoup d'oseille, mais donc aller à une Coupe du Monde, ça leur rapporte beaucoup plus que ça. Énorme. Ça ah peut oui, être, oui, ça, bah peut c'est être, ça. Ça peut être énorme pour eux. On est-ce que c'est possible qu'Estelle reste avec Domènech oui, pour l'oseille par intérêt. Non, parce qu'elle en gagne très bien aussi. Par l'amour du sourcil. Mais tu vois, tu vois pourquoi l'Irlande elle gueule. C'est pas pour la Coupe du Monde, sans boîte les couilles, sans pas les couilles, c'est l'argent. Que, si, si, je pense bien justement que c'est vraiment juste une question de football. De toute façon, ils ont une grosse perte d'argent du fait de pas aller à la Coupe du Monde. Hein. C'est un manque à gagner de ouf. Et un manque à gagner, pas une énorme. Ah oui, oui, ah bah ça c'est clair. Est-ce qu'on se refait l'entretien de Domènech dans 7 à 8 si tu veux, ouais. C'est, enfin, 7 à 8, comme vous voulez. Ouais, c'était 7 à 8, voilà, c'est ça, ouais. On avait rencontré Domènech pour un entretien spécial. Tout à fait, allez, écoutons ça. On le siffle, on le hue, on le maltraite. En France, Raymond Domènech est aussi détesté que personne en fait. Sa force, il la trouve dans son rôle de père. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'il a appelé sa première fille Victoire. Au moins, il en a eu une. Son deuxième enfant s'appelle Merlin. Sûrement dû au fait qu'il n'y a qu'un magicien qui pourrait nous faire gagner la Coupe du Monde. Raymond Domènech, c'est notre portrait de la semaine. Raymond Domènech, bonjour. Déjà, je voulais vous dire que je suis très content de vous recevoir ce soir. C'est faux. Oui, bon, c'est vrai. Vous n'êtes pas mon entraîneur préféré, mais bon, voilà. Le fait que tout le monde vous crache dessus me donne envie de montrer aux gens ce que vous êtes vraiment. Parce qu'au fond, vous êtes forcément un mec gentil et agréable. Non. Ah oui, mais enfin, si vous m'aidez pas aussi... Bon, parlons un peu de football, alors. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe pendant la semaine qui précède un match? Je suppose que l'équipe s'entraîne. Ça n'a aucun intérêt. Oui, enfin, vous faites bien quelque chose, je sais pas, moi, vous donnez des consignes, des tactiques. J'ai pas de stratégie. D'accord. Bon, bah, dites-moi, est-ce que, au moins, vous vous rendez compte que l'équipe de France joue mal? C'est pas mon problème. Non, bah, non, bah, d'accord. Bah, c'est quoi votre problème, alors? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie de sélectionneur? La seule chose qui me préoccupe, c'est de me dire, je vais au cinéma, je vais faire les courses. Ah, ok. Donc, les journalistes, les supporters, et l'équipe de France, vous vous en branlez total, quoi. Mais ça fait 3 ans que je suis comme ça. Oui, oui, je sais, oui, j'ai vu ça. Mais en fait, vous faites quoi dans cette équipe? Chauffeur de salle. Bon, eh ben, puisque vous en foutez de tout et que vous êtes chauffeur de salle, racontez-nous une bonne blague. Voilà, qu'on se marre un peu. On a fait les deux matchs contre l'Autriche. C'était du très haut niveau. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ah ben, là-dedans, vous êtes bon, hein. Allez, une dernière blague. Allez, sur Thierry Henry, allez. J'ai pas vu la main. Ah ouais, elle est pas mal. C'est vrai, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon bah, je sais pas moi, puisque vous avez pas envie de parler de football, tant pis. Je sais pas, parlons de cul, hein, apparemment vous aimez ça. Aimez ça autant que moi, qui est quelqu'un qui chauffe, qui allume. Avec Estelle? Avec qui? Déjà ma maîtresse. Hein? Et Estelle alors? Parce que nous mentez pas, hein, si vous avez pas sélectionné Ludovic Juli ou Robert Pires en équipe de France, c'est parce qu'ils avaient fricoté avec Estelle, hein. Ah oui, non, je peux pas le nier. Et bah voilà. C'est dit. Bon, pour finir, parce que j'ai l'impression que ça vous saoule de parler football. Je suis d'accord. Maintenant qu'on connaît les tirages pour les Bleus, vous la sentez comment cette Coupe du Monde? On va gagner. Vous êtes sûr? Allez Raymond, dites-moi franchement, vous en pensez quoi? On va passer à travers, hein. Merci Raymond. Ça fait du bien un peu d'honnêteté, un peu de franchise. Ouais. Et donc l'interview de Raymond Domènech à 7 à 8. C'est à huître. Allez, la suite des infos foot, ouais, alors, vraiment de spi. Alors très très vite, c'est aussi au Brésil où il y en a certains, puisqu'on parlait des primes de qualif des Français. C'est aussi au Brésil où certains se sont fait des couilles en or. D'ailleurs, c'est exactement pendant le match qui est en train d'être rediffusé sur Sport Plus. C'est Flamengo contre Grêmio. C'est de la folie, les supporters, ils sont en train de chialer. Ben voilà, c'est ça, c'est ça, c'est justement de ça dont je voulais vous parler. Ça se passe à Rio. Donc le club du Flamengo, qui est un peu un des clubs les plus populaires de la ville, si jamais ils gagnaient ce match, ils étaient champions. Donc là, le bruit dans le stade est hallucinant, la ville est en folie. C'est le moment parfait pour faire du bruit, puisque personne n'entend quoi que ce soit. Et ben, c'est ce qu'ont fait une bande de cambrioleurs qui en ont profité pour creuser un tunnel de 100 mètres de long qui leur permettait d'arriver dans une société de convoyeurs de fonds, et ils ont réussi à péter 4 millions d'euros. Et ils sont barrés. Et ils sont barrés, et personne ne sait qui c'est. C'est un peu les Tonums Lane de Rio. Et en fait, quand un des convoyeurs, il y a un des convoyeurs. Merci. En fait, quand il y a un des convoyeurs de fond qui a été interrogé, il a dit qu'en fait, il était persuadé que les bruits venaient du stade et pas des mecs qui étaient en train de creuser en bas. Voilà. Attention, mais contre, pour ceux qui veulent le faire, cette technique n'est pas la meilleure. À Monaco, ça ne marche pas. Oui, forcément. Il n'y a pas assez de bruit dans la tribune. Il n'y a pas surtout pas assez de monde. Ah ouais, si tu bouges un truc d'alu à Monaco, tout le monde t'entend. Le mec, il allume une clope, il entend qui c'est qui fume là, on peut pas là. Bon bah très bien pour les infos foot, terminé. Ouais. Allez, parfait, très bien. Et puis dans un instant, de Pierre Wallow Show. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah monsieur X, je vous avais complètement oublié. Ah bah oui, mais je suis venu. Ah bah revenez demain. Ah bah non. Bah si, de toute façon vous avez que ça à faire. Ah bah non. Bah remettez un peu de crème sur votre nouvelle verge là. Bon. On aura une surprise pour vous demain. Ah bah alors je reviens. Ah bah écoutez, très bien, parfait. Alors la trouver même. Bon, au revoir monsieur X, à demain. Hein. Bonne soirée. C'était parfait. Ah, merci. Et très beau tatouage de Sandro que Laurent vient de lui mettre sur la main là. Bon, c'est l'heure du polo show, c'est ça. On est au top avec Sandro en guest ce soir. Non, putain non. Michael, le podcast. Bon allez, hop, 6 minutes maintenant pour faire de Piwalo ouais, Show. On y va. Ouais, salut, c'est les PZK sur NRJ. Les filles adorent le popo, polo show. C'est de la merde, de la grosse merde, polo show. Et ça dure 3 minutes. Bienvenue dans le polo show, j'espère que tout va bien. Et dans ces quelques minutes qui nous sont offerts par la direction d'énergie, il y aura un cadeau. Donc écoutez bien, si vous entendez le signal, vous allez le reconnaître, vous partez avec un cadeau personnel. Il faut un signal. Premier auditeur, qui est là? Ouais, je t'écoute, bon, ouais. Ouais, ça va. Ouais, et toi? Ben ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? D'où viens-tu? Pourquoi? Ouais, c'est bof. Je t'écoute? Ouais, je voudrais savoir comment tu il va. Tu t'appelles comment? Bof. Non, est-ce que tu as un vrai prénom? Parce que ça m'énerve, là, le bof, là. Ben, on ouais, a rigolé. Bof. Non, c'est quoi ton okay, vrai prénom? C'est quoi? Ingrid? Ouais, allô? Non, non. Ça marche non, pas. Attends. Bon allez, je te vire. Pub, s'il vous plaît. Tu maîtrises Guitar Hero. Ah, attends, t'es un quoi, tueur ça. Sur Bend Hero. Relève un nouveau challenge. Seras-tu de taille pour affronter Harp Hero? Pète-toi les doigts comme un lépreux sur une harpe plus vraie que nature et suis les indications à l'écran. Toi aussi, deviens un ringard qui joue de la harpe et perds tous tes amis grâce à Harp Hero sur Xbox. Bonjour, c'est Deck. Je suis Branco. Christian. Thomas du groupe Phoenix et vous écoutez le pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Polo. N'oubliez pas qu'il y a un signal qui va tomber dans le polo show. Dès que vous l'entendez, vous repartez avec un gros cadeau. On y va, qui es-tu? Qui es-tu? Monsieur. Non, c'est... Bon, écoute, est-ce que tu es... Si tu es là pour te moquer de monsieur. Ouais, mais il était foireux ton... Ah, non, là, le signal est parti. Vous appelez hors antenne. Michel vous prend et vous partez avec un gros... cadeau. Bon, monsieur O. Oui. Ouais, mais mec, attends, mais, attends, j'ai une... attends, je parle à moi, ma boîte à jingle, là. Mec, il travaille un peu. Ouais. Ce matin, il y a le téléphone qui a sonné. C'est génial. Et ben. Et ben quoi? J'ai pas répondu, j'ai peur. Oh là là là là, on s'en fout en plus de ce que tu dis, tu vois. Aide-moi, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Bah t'as qu'à... Qu'est-ce que j'en fais, public? Allez, casse-toi. Qui est là, un autre auditeur? On y va. Allô? Oui, allô? Il y a envie du bonsoir, mais Maître Peters à l'appareil. Ah, Maître Peters. Ma vie, j'appelle toi parce que j'ai plus de nouvelles de Miguel. Bah, il est là, Miguel. Ma vie, parce qu'il me rappelle plus, alors je me dis, il veut plus que je vienne dans son show. Ah si, si, vous êtes bienvenu, monsieur ah, Peters, oui, Maître Peters. Parce que j'ai acheté un nouveau caravane, je serais bienvenu faire le montage. Hein. Juste rappelons que Maître Peters est avocat au barreau d'Antwerpen. Hein, oui, c'est oui, ça. Oui, oui, oui. Vous êtes flamand? Ah oui, oui, je suis flamand. Vous êtes flamandophile, Lisa? Ah oui, je suis flamandophile, ah, oui. Vous avez acheté une nouvelle caravane? Oui, j'ai acheté un nouveau caravane, elle est plus grande que l'ancien, donc maintenant, si tu veux venir avec moi, ça est possible. Hein. Ah oui, j'ai un KGB d'amis. Ah bah c'est sympa. Ah oui, c'est sympa. C'est tout le commode, hein, parce que en fait on a un grand cuisinage comme ça que, ouais. Que ah oui comme ça Kathleen elle fait les petits plats hein, que c'est bon que tu manges comme ça un beau spot comme ça, hein, ça Maître, c'est bon, hein. Maître Peters, écoutez, je voudrais bien passer un week-end avec vous, ouais, pour voir le nouveau caravane. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors peut-être je viens fin de semaine et puis voilà. on fait comme ça une tour comme on va dans comme vous dites là 94. Oui, on fait comme ça. Hein, il paraît, c'est pas mal, j'ai vu dans la télévision le reportage. On fait comme ça, Maître Peters. Oui. Ah, et du bonsoir. J'ai pas dit, mais... allô? Oui, je t'écoute. Ah oui, non, parce que en fait, je voulais aussi dire que c'est bientôt l'anniversaire de Lisbeth. D'accord. Bon, on lui souhaite un bon anniversaire. C'est mon fils. Non, en fait, je voudrais savoir si tu peux faire un cadeau. Parce que j'ai entendu... Ouais. Un truc simple. D'accord, allez, au revoir, Maître Peters. Qui est là? Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Qui est là? Maître A. Non, pas maître, monsieur A. Monsieur A. Oui. Ouais, me confonds pas avec maître, parce que bon. Ça m'angoisse pas. Bon, vas-y, monsieur A. Polo, ouais. Tu peux pas jouer, moi? Si, mais le signal, il tarde à arriver, donc moi, si tu veux... C'est un signal fabriqué. Attends, oh là là. C'est un. Polo, tu sais où je vais là? C'est un signal fabriqué naturellement avec des. C'est biodégradable. Bon, qu'est-ce que tu veux? Et tu sais où je vais lundi, Polo? Non, je ne sais pas. Eh ben, je repars à New York. Oh, c'est génial. Polo? Tu vas aller faire quoi là-bas encore? Je crois qu'il y en a qui racontent leur vie. Je peux pas te dire. Tu peux pas me dire? Non, je peux pas te dire. Bon, bah alors on s'en fout alors. Alors si tu veux pas me dire, alors on est... Quoi? J'ai gagné quoi? Rien. Non, parce que j'ai envie de gagner si, maintenant. Si, tu as gagné le droit de revenir demain, puisqu'on est pressé, tout pousse. Merci à ceux qui ont assisté le polo show, merci à ceux qui n'ont pas... Ouais, mais arrête de me faire des signes. Ah non, ça marche pas, fiche. Voilà, allez, on arrête. Allez, moi je m'en vais. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.